Attention, ici votre droïde de protocole T1BB, relation podcasteur, auditeur. L'équipage du Faucon Millénial étant un peu lent, cet épisode a été coupé non pas en un, non pas en deux, mais en trois parties. Ceci est la première partie. Merci de votre compréhension et bonne soirée ou journée. Alors, ce que j'ai aimé dans Les Derniers Jedi, ou TLJ pour les intimes, c'est d'abord d'avoir joué avec nos attentes et notre connaissance de cet univers. Si la diégèse est évidemment respectée, Rian Johnson détourne et s'amuse avec l'imagerie, les symboles, le rythme et la nature des rebondissements, et implique ainsi parfaitement la recette du second acte d'une trilogie. Les méchants gagnent, c'est l'échec pour les gentils. Donc, rien d'original, finalement, tout comme l'Empire contre-attaque, avec la perte de Solo et la rencontre entre Vador et Luke, ou l'attaque des clones, les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine et le début de la guerre des clones. Mais encore plus que ces films, le thème de l'échec devient central, il parcourt tout le film. Dans Les Derniers Jedi, Poe Dameron se prend pour un héros, beau gosse, héroïque, un cliché bien connu, et en ne faisant pas confiance en ses supérieurs, provoque la quasi-destruction de la résistance. Indirectement certes, et je sais que beaucoup n'ont pas aimé, mais c'est l'histoire qui est racontée. Poe Dameron se croit meilleur que ses supérieurs, il lui cache peut-être quelque chose, mais normalement il aurait dû suivre la chaîne. C'est sa façon de voir l'héroïsme qui pose problème. Finn et Rose participent à ce plan, qui s'avère tellement héroïque que non, cette fois-ci, pour une fois, les conséquences sont catastrophiques. Ça change aussi de ce qu'on voit d'habitude dans Star Wars, au dernier moment, les héros réussissent à s'en sortir, là, non, ils sont très peu à s'en sortir. Donc ils se font prendre par le premier Horde, puis trahir. Rey, elle ne peut pas s'empêcher de tenter de sauver Ben, et l'aide ainsi à sortir de l'ombre de Vador. L'échec de Luke fait déjà partie du passé dans l'histoire du film, mais grâce à Rey, il surmonte cet obstacle, il tire enfin des enseignements et aide la résistance de manière totalement pacifique. C'est pour moi une fin époustouflante pour ce Jedi légendaire. Et à leur tour, les personnages principaux tirent des enseignements qui leur permettent d'évoluer et de gagner dans le prochain film, enfin, on peut supposer. Mais les Jedi, on va dire dans l'ensemble, pour le peu qu'il en reste, mais dans l'ordre Jedi, ils finissent par tirer un enseignement de leur échec, puisque The Jedi sonne comme la fin d'un arc narratif qui aura duré plus d'un demi-siècle au sein de cet univers fictif. L'aveuglement et l'orgueil des Jedi, qui les a fait courir à leur perte dans la prélogie, même si ça a sans doute commencé bien avant, et avec les événements de la prélogie, et puis on a vu aussi dans The Clone Wars, et la trilogie originale et maintenant The Jedi, ils ont passé une étape, ils ont appris normalement, on verra plus tard, mais normalement ils ont appris leur erreur. Donc adieu les coutumes millénaires un peu couillonnes, l'important est d'apprendre des erreurs du passé, et d'être le terreau sur lequel poussent les futures générations de héros. Bref, The Last Jedi est avant tout l'ascension et la victoire de Kylo Ren, grâce à l'échec de ses adversaires. C'est tout simplement un second acte. Je voudrais juste rajouter que c'est aussi le seul Star Wars où on voit vraiment pourquoi ils se battent. Quanto Bite que quasiment personne n'apprécie, c'est la scène de Canto Bight montre pour qui ils se battent. Les gens qui sont en grave difficulté, donc ils luttent contre les injustices. Ce qui était dit, mais pas montré avant. Là, on a un exemple, c'est pas forcément la meilleure façon de le montrer, mais ils l'ont montré. Et on passera de côté toute la critique des gens qui jouent dans les deux camps, ou les 1%, si vous voulez. Et pareil pour, à la fin, le Broom Boy, l'enfant avec le balai. C'est un espoir qui vient couronner l'intrigue du film. Et ça aussi, c'est important de savoir que l'espoir ne tient pas seulement qu'à quelques héros, mais n'importe qui dans la galaxie. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut avoir la force, mais que tout le monde peut être un héros. Voilà, merci. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faucon Millénial, le podcast qui n'a aucune place dans cette histoire. On vient de rien. On n'est rien. Mais pas pour vous qui nous écoutez. Enfin, j'espère. Je suis Grushkov et je serai votre pilote aujourd'hui, accompagné comme à chaque fois de mon équipage composé de Tuki. Salut. Matt. Salut. Putain, t'as fait perdre tout le flow du truc. Et Xilnut. Coucou. Et on retrouve aussi notre ami Adrien qui vient tout droit de la troisième lune du patelin. Bonsoir Adrien. Hello tout le monde. Ouais. Comment ça va? Yay. Ça va et vous? Ça va bien, ça va bien. Est-ce qu'il y a des bons fanfilms qui sont sortis depuis la dernière fois ou pas du tout? Oula, il y en a quelques-uns, mais je trouve que le niveau est relativement faible pour Star Wars actuellement. C'est assez étonnant. Ouais, c'est parce que les vrais fanfilms, c'est les films qui sortent au cinéma maintenant. C'est sûrement ça. Et d'ailleurs, on y est enfin. Après cette longue année de retour sur la saga, nous avons enfin atteint le dernier chapitre sorti de la saga à l'heure à laquelle on enregistre. The Last Jedi, le dernier Jedi, contrairement à la traduction. Le film le moins controversé de tous les temps, je pense qu'on peut le dire. Ah, il a fait consensus. Hein, c'est l'unanimité totale. Voilà. Sur Facebook, les gens ont l'air de bien aimer. Non, c'est faux. Mais c'est que des vieilles femmes de 45 ans sur Facebook. Non, des vieux hommes de 45 ans aussi. Et c'est eux le problème, je pense. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un peu les deux. Oui. Et donc, Matt, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce qui se passe dans l'opening crawl de ce film? Attends, mais je n'ai même pas présenté le film. Attends, quel film? De The Last Jedi, hein, je l'ai déjà dit, c'est trop tard, là, t'as pas assez bien fait. Qui a été réalisé et écrit par Rian Johnson, hein, c'est le premier qui a été le seul pour réaliser et écrire un film Star Wars depuis George Lucas, qui était avant le seul à avoir fait ça. Donc c'est un film d'auteur, en fait, à très très gros budget, même si... pour celui-là, ça s'est très bien passé au niveau du tournage. Hein. Je crois que c'est le tournage Star Wars qui s'est le mieux passé. Peut-être avec Mandalorian, on verra bien. Mais entre Rogue One, Solo et même Force Awakens, qui avait eu beaucoup de reshoots apparemment, d'après JJ, qui avait eu beaucoup de reshoots pour ajuster certains trucs. Et ben The Last Jedi, eh ben, c'est celui qui a le mieux marché, en tout cas, pendant sa production. On y retrouve évidemment les meilleurs personnages de toute la saga, comme d'habitude, avec Rey, Finn, Kylo Ren, et c'est tout. Non, en vrai, en plus, j'aimais bien Poe. Et avec l'addition, cette fois-ci, de Rose, dont on va parler tout à l'heure, bien évidemment, un nouveau personnage différent. Donc, vas-y, Matt, qu'est-ce qui se passe dans l'opening crawl de ce film? Eh bien, il y a de la musique, il y a des mots en jaune qui défilent, on s'ennuie, et après, le film commence. oui, tout à fait. Mais il y a aussi... le contexte politique hein, que tout le monde demande. Oui, enfin, basiquement, ce qui est bien avec le 8, c'est qu'il suffit de regarder l'épisode 7 pour ne pas avoir à subir le crawl du 8, vu que les deux se suivent vraiment de peu. De 3 jours, il me semble. Voilà, de peu. Donc, du coup, c'est bien. Nous, on aime bien les opening crawls. Mais c'est bien parce que... Non, mais en vrai, c'est bien les crawls. J'aime bien. Ça te permet d'avoir le temps d'aller soit faire pipi, soit d'aller chercher des chips. Rien que pour ça, c'est vachement bien. Moi, j'en peux plus du tout. Hein. Dites-vous, en plus des films officiels, je regarde des fanfilms, et du coup, beaucoup, et il y a plein de fanfilms avec des opening crawls. Et c'est chiant. Ce qui est trop bien sur les fanfilms, c'est que les opening crawls, c'est 50% du fanfilm. Mais vraiment, et alors, il y en a pas un qui est pareil que dans le film. Hein. Il est soit trop décalé, soit pas centré, soit pas de la bonne couleur, et ça fait aucun sens. J'en ai ras le bol. Pourquoi George Lucas t'a fait ça? Pourquoi? Pire idée, j'en peux plus, je n'en peux plus. Bah, c'était pour s'inspirer des vieux films. Ouais, mais enfin, il est chiant. Je trouve que ça fait le charme de Star Wars, ce genre de truc. Bah, en vrai, c'est bien, mais c'est vieux, quoi. Mais du coup, ensuite, il y a un magnifique plan sur le Radus, qui tient son nom du meilleur Mon Calamari. ouais. Joli plan d'ouverture d'ailleurs. Qui plonge. Alors moi, à chaque fois, hein, à chaque fois, je suis déçu parce que j'aimerais tellement que ce plan, il aille jusqu'au bout, genre vraiment de l'espace jusqu'au sol. Mais non, il y a un cut avant et on cut sur Konix, hein, joué par Billy Lourd, la fille de Carrie Fisher, et c'est très intéressant parce que les premiers mots qui sont prononcés à l'écran, c'est par elle qui dit à un homme que il faut laisser tomber les armes dans la base qui sont en train de fuir pour pouvoir sauver les gens. Le fait d'abandonner les armes pour sauver des gens, j'ai l'impression qu'il y a un lien à faire avec certains trucs dans le film. Et puis ensuite on voit dans le ciel le premier ordre qui arrive, je trouve vraiment le plan. Je sais pas pourquoi les plans marchent super bien, je trouve, au début du film. Ils ont beaucoup d'impact. Et on voit notre magnifique Armitage Hux. En 3 jours, le mec, il a perdu 15 kilos, tout blanc. Il est beau quand même. Bah, il a jamais été très bronzé quand même. Hein. C'est pas. Oui, mais là, il est cadavérique. C'est la lumière à l'intérieur, moi c'est pareil à l'intérieur. Il vient de perdre sa base toute neuve. Voilà, il va pas se sentir très bien non plus. Et il arrive, il a les boules et il appelle le meilleur personnage du film à bord du Dreadnought, le capitaine Kennedy. Donc le Dreadnought qui arrive, j'adore le sound design d'ailleurs, quand il arrive, il explose vraiment tout, c'est trop cool. Et j'ai trop les boules d'avoir un son pas terrible sur ma télé, parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de réentendre à chaque fois. Et pourquoi c'est le meilleur personnage Kennedy, pardon? De quoi? Pourquoi t'es dit que c'était le meilleur personnage Kennedy? Parce qu'il est fun. Il est fun, oui, il est rigolo. C'est vrai qu'il est mort. C'est le meilleur personnage de plein de personnages. Mais... C'est pas grave. Alors moi, perso, contre, le Dreadnought, j'avais été un peu moins emballé en le revoyant la deuxième fois. Ce côté, justement, on n'a plus ce côté lisse qu'ont les gros cuirassés, les gros Star Destroyers. Tout ce côté un petit peu accumulation et tout, ça, je trouvais que ça faisait presque... Ça me rappelait les heures les plus sombres des trucs sur les... des téléfilms style sci-fi et tout. Pour le coup, c'est vrai que c'était peut-être un des designs de vaisseaux qui m'avait le moins emballé, et de le revoir, là, pour le coup, c'est vrai que ça m'avait vraiment sauté aux yeux. Ah, moi, j'aimais bien son côté assez brut et agressif, et le côté un peu... Ouais, j'aime bien aussi, effectivement, ça va... Ça m'a pas choqué plus que ça, clairement. Ouais, pas moi, et que perso, ça m'avait embêté, parce que c'est vrai que c'était quand même le truc central d'une bonne partie du début du film, mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu étonné la première fois en le revoyant. Je crois que c'est un des vaisseaux préférés de la nouvelle trilogie, perso. Ouais. Je le trouve vraiment super beau. Tout est beau, enfin, j'aime trop. Ouais. La couleur et tout, j'aime bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est que à l'intérieur, le pont du vaisseau est baigné dans une lumière rouge, comme dans des sous-marins et tout, et... Ça, je trouve ça assez... D'ailleurs, ils ont une espèce de périscope à un moment donné. Je trouvais ça assez drôle. C'est trop marrant. Ils regardent dans leur périscope. Oh, il y a les bombardiers qui arrivent. Genre, mais oui, vous avez des... Non, un vaisseau, les mecs. Il y a des fenêtres. des radars, je sais pas. Il y a plein de trucs, mais... Après, peut-être qu'il a une longue vue, du coup, dans son périscope. Du coup, il voit encore mieux. Peut-être. Et donc, il y a la fameuse phrase... I have a bad feeling about this, mais qui est prononcé par BB-8. Ah, c'est pour ça, parce que je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont oublié? Je me suis dit, non, c'est impossible. C'est BB-8 qui le dit, et Poe qui essaye de le rassurer. Poe qui est vraiment, vraiment fun dans cette séquence, je trouve. la séquence d'action est rigolote, mais c'est un con aussi. En vrai, c'est un con tout le film, mais tout le film, il est fun, en fait. Il y a ça aussi, c'est que... on va y revenir, c'est un con qui fait des erreurs, mais ça reste sympa à suivre. Tu détestes pas le personnage parce que c'est un con. Oui, ouais. C'est pour ça qu'Oldo, elle l'aime bien. Petit con, va. J'espère que le 9, il va s'ouvrir sur Poe qui se moque encore de personnage du premier rang, parce que c'est ce qu'il fait à chaque fois. Genre, il se moque du masque de Kylo, là il se moque de... Ça, c'est vrai. De l'autre. Je sais pas alors vous ce que vous en pensez, mais vraiment à chaque fois il me tue dans cette scène. Excellent. Ok, ouais, ah, bon. Dans le 9 il va faire un doigt à Palpatine, on va pas comprendre. Vieux crouton, dégage. Non mais Hux, il est génial aussi, parce que j'adore le gars qui essaye de faire genre ouais je vais garder le respect de mes officiers alors que personne peut le blairer dans le truc. Avec le général Hugs. Général Hugs. Alors, bon, moi je trouve qu'elle marche très bien, elle colle parfaitement au personnage de Poe, et j'aime beaucoup le décalage que ça crée avec un Hugs complètement dans son délire à 200%, son fanatisme habituel, qui rigole pas, quoi, qui sait pas rigoler. Moi, je regrette quand même l'époque où, quand on rigolait dans Star Wars, c'était Jar Jar Binks qui marche dans du caca sur Tatooine. Alors, c'est trop élaboré pour moi, cet humour. Hein. Forcément, là, ça ne peut pas trop te parler, mais je trouvais ça assez drôle et finalement... Pardon, c'est moi, Tiki ? C'est parce que Ryan, il a dit qu'il s'était inspiré des Monty Python. Et c'est un humour très, très anglais, ce genre de choses. Et le problème avec l'humour anglais, c'est que... faut être dedans, quoi. Ça plaît pas forcément à tout le monde. Et notamment, j'imagine pas tous les Français, mais la plupart des Français que je connais, l'humour anglais, ils accrochent pas du tout. Mais alors que, moi, je tourne à pied joint dedans, à chaque fois, ça me tire. Mais... Et si on remarque, j'ai remarqué un plan, il y a un plan où t'as les deux officiers, il y en a un qui a l'air un petit peu gêné, et t'as l'autre qui esquisse un tout petit sourire. Ah oui, il est merveilleux. Lui, il est parfait. Et puis, t'as l'autre derrière qui vient, qui dit « Monsieur, je crois qu'il se fout de votre gueule. » Enfin, vraiment. Il y en a un qui a eu les couilles d'aller lui dire et peut-être qu'il se fout de ta gueule, je sais pas, mais essaie de leur coller les morceaux dans ta tête, tu vas voir, je pense qu'il essaie de faire passer un message. Et juste après, t'as Po qui lui fait une blague sur sa mère. Ouais. Là, j'avoue que c'est pas très Star Wars, on n'a pas l'habitude des blagues sur les mamans. Ça j'avoue, il va loin, mais en même temps, il n'y a pas assez de mamans dans Star Wars, donc c'est bien de dire qu'il y en a. Mais en même temps... C'est encore plus drôle quand tu connais le contexte, parce que c'est un bâtard, Hux. Il n'est pas né d'une union légitime, c'est-à-dire que son père avait une épouse, et puis il a couché avec quelqu'un d'autre, et il a eu Hux. D'ailleurs, si il y a une blague sur les mamans, c'est peut-être aussi que c'est un Star Wars pour les milléniaux, et que les milléniaux aiment bien vanner les mamans. Non, cette blague, elle était bonne. Le mec, il est en train de taunter le mec en face, c'est l'ennemi, il joue avec lui, il fait pas ça uniquement pour une scène drôle, c'est aussi pour gagner du temps. Ouais, je voulais juste dire que cette scène-là, en plus, ça montre bien le côté insolent de Po, le côté sûr de soi. Oui, clairement. Je pense dans le tas et j'y vais à fond. Et bah justement, en parlant du côté insolent, donc il y a Po qui fait son badass là, qui détruit tous les canons de surface du Dreadnought. Ce qui fait que il peut mettre en place un plan avec lequel Leia est pas d'accord. Et du coup, quand Leia est pas d'accord, qu'est-ce qu'il fait Po? Il coupe la connexion avec Leia. Et on va voir que au long du film, la connexion avec le féminin, c'est quelque chose d'assez important. Et quand tu te déconnectes du féminin, tu fais n'importe quoi. Et lui, par exemple, il détruit tous les bombardiers de la Résistance. Qui ne sont pas des Y-Wing, on ne va pas épiloguer dessus 50 000 ans. Il y en aura dans l'épisode 9, comme ça, voilà. Oui, mais ils ne vont pas vite. Eh bien, tant pis, ils ne vont pas vite. Bah, c'est des bombardiers. C'est des bombardiers en même temps. Oui, et puis en plus, ça rajoute de la tension dramatique. Je regardais le film avec le commentaire audio, là, tout à l'heure. Et puis Ryan, il disait qu'il voulait que ça ressemble à des espèces de grosses vaches qui sont lentes et lourdes et qu'ils... Il faut protéger par des trucs plus légers parce que ça rajoute du. Bah oui, la tension quoi. D'ailleurs, dans ceux qui protègent, il y a le meilleur perso, le meilleur personnage, Tali. Tali. Et dans un des bombardiers, il y a le meilleur personnage, Paige. Oui. Sinon, oui, c'est clairement des B-17, quoi, ces vaisseaux-là. Je trouve ça vraiment cool, d'ailleurs, comment la bataille, elle commence sur une espèce de grande scale, comment on dit en français. De grande croix. Sur une assez grande échelle, donc tu vois, c'est un peu, tu vois un peu la bataille qui se passe et tout, et au bout d'un moment, le truc se focus sur Paige, et là, tu te rends compte... Des vies en fait qui sont perdues pendant le truc et à quel point Po il a merdé en fait. Mais derrière il y a des plans assez magnifiques tout le long sur la façon dont comment ils explosent les bombardiers, c'est toujours très lent, ils chutent légèrement comme ça avec plein d'explosions, on insiste bien là-dessus. On l'a pas dit, mais c'est clairement une scène hyper importante pour tout le reste du film, hein. C'est pas juste une intro, c'est fondateur pour le personnage de Po dans ce film là. Hein. On en revient, mais du coup, c'est encore une fois dans cette trilogie, il y a une volonté de montrer des personnages qui sont dans l'ombre, de montrer Paige qui est juste une bombardière, de montrer ces pauvres petits vaisseaux qui finalement sont pilotés par des êtres humains, en tout cas des êtres vivants, parce que c'est pas tous des humains. Mais du coup, c'est intéressant de voir que ben, on s'intéresse, comme tu disais, Grushkov, on va de la grande échelle à la plus petite, en prenant en compte la souffrance, la mort des personnes, en fait. Bah tiens, tant qu'on parle de Page, moi, il y a un truc dont je me suis fait la réflexion. Puis voilà, je suis intéressé à votre avis. C'est un truc que je trouve justement vachement intéressant, sous cet aspect, montrer justement ce qu'il y a derrière, qu'il n'y a pas que des héros, qu'il y a des gens qui sont là aussi pour faire, qui sont en arrière, mais qui aident autant la résistance que voilà le trio de tête. Mais après, c'est vrai que cette scène avec Page, notamment justement tout le suspense de voilà le bouton, c'est la dernière qui peut potentiellement détruire le Dreadnought. Je l'ai trouvé peut-être un petit peu grandiloquente cette scène. Je l'aurais peut-être gagné être un petit peu plus subtil, avec moins de gros plans de ralenti super léché sur le moment où il rattrape sa manette à la toute fin. Et pour moi, c'était un truc que j'ai un peu redécouvert en revoyant le film. C'est il y a certains moments, je trouve que le film montre quelque chose, notamment des émotions des personnages, et parfois appuie un peu trop avec des gros plans, notamment sur pour montrer ce que le personnage ressent. Et pour moi, c'est la première scène où je me suis fait cette réflexion-là. Je sais pas si pour vous, cette scène, voilà, elle est passée. Genre, il force un peu sur le pathos, tu veux dire, enfin... Ouais, voilà, ouais. Et c'est la première fois que je me suis fait cette réflexion dans cette scène avec Page, qui est la dernière qui peut potentiellement détruire le Dreadnought. Ah, moi, ça a marché, j'étais à fond dans le... Je pense que c'est surtout... Pardon. Ouais, vas-y. Je voulais juste dire que j'étais à fond dans le suspense de la scène et que moi, ça m'a bien pris au trip dès le début du film. On est vite jeté dedans, en fait, dans ce film-là. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Quoi. Ouais, c'est sûr que ça va vite, mais si on accroche, après, ça marche bien, je trouve. Ouais, je pense que c'est surtout pour pour augmenter la tension, justement, avec est-ce qu'elle va l'avoir, est-ce qu'elle va pas l'avoir, le truc. Mais ça, à la limite, le besoin de créer un peu de la tension et tout, ça, je comprends. C'était pas vraiment l'idée de la manière dont la scène était faite, c'était la manière dont c'était filmé, en fait, qui me manquait un peu de subtilité parfois. Mais c'est peut-être aussi pour amener en amont un peu d'empathie pour le personnage de Rose aussi derrière. Je pense, ouais. Il y a peut-être une façon derrière de... Ouais, de... Mais surtout, en fait, j'en parle parce que c'est un truc que j'ai pas vu que dans cette scène, que j'ai trouvé que ça se reproduisait plus tard. Mais voilà. Dans cette scène, je sais que Ryan disait que, en fait, comme tout allait très vite, vu que c'était au milieu de la bataille, il voulait un moment où il pouvait ralentir le temps et étendre et voir jusqu'à quel point il pouvait étendre ce moment jusqu'à ce que tout reprenne rapidement. Ah ouais, non, ça c'est intéressant, ouais. Parce que c'est vrai qu'il va vite cette scène, oui, effectivement. Le contraste avec Poe. Star Wars est laissé des trucs. Où est-ce qu'il se croit? Quelle idée. Mais voilà, tu vois, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je trouve que pour le coup, le film est extrêmement subjectif, encore plus, je trouve, que la plupart des autres. Ce qui explique, je pense, aussi le fait que les réactions soient aussi diversifiées. Clairement. Moi, le coup du ralenti, tout ça, ça marche, mais pas forcément sur toi. C'est aussi parce que c'est un film qui, contrairement aux autres, et principalement la trilogie originale, est vraiment sur les personnages et la diversité des psychologies et des personnalités au cœur d'une grande épopée comme ça. Alors que la trilogie originale, il y avait un peu de ça, mais il y avait aussi surtout l'histoire, le côté épique du héros et machin et tout. Alors que là, il se pose sur des gens à des moments et il explore ces trucs-là. Donc c'est vrai que ça peut ne pas marcher quand tu... Bah, comme on disait, c'est un film d'auteur. Donc quand tu es là pour voir un Star Wars avec des batailles dans l'espace et tout, et qu'en fait, il te replace le contexte en disant « Hey, regarde tous les impacts que ça a, et regarde les gens, ils sont tous différents, et comme ça, tout le monde peut avoir quelqu'un à qui s'identifier dedans. » Je pense qu'il y a, par exemple, des personnes qui l'ont vraiment pris personnellement et qui se sont dit « Quoi, j'ai pas le droit d'aimer les grosses batailles ou les trucs comme ça, alors que c'est pas vraiment ce que dit le film. » Et c'est juste d'étendre un petit peu le truc. Bref. Il est pas assez consensuel aussi, je pense, pour certains, quoi, simplement. C'est vraiment un film qui va polariser. Tu vois, on l'aime, on l'aime pas. Est-ce qu'on parle des bombes qui tombent dans l'espace? Regardez le film avec le commentaire audio, il explique les bombes. Et puis voilà. Non, mais en plus, c'est juste idiot. Elles tombent depuis l'échelle dans le vaisseau. Donc, dans le vaisseau, il y a une gravité artificielle. Entraînées par la gravité artificielle. Et quand elles sortent du vaisseau, c'est l'élan qu'elles ont pris dans le vaisseau. C'est aussi con que ça. Non, mais même sans même sans gravité artificielle, elles sont dans le vaisseau, elles sortent du vaisseau. Donc même si c'était pas la gravité artificielle, ça veut dire qu'il y a un rail qui les propulse. Oui, qui leur donne de l'élan au pire des cas. Exactement. Voilà. Les mêmes qui vont plus tard dans le film s'énerver parce que les vaisseaux qui tombent en panne ont l'air de s'arrêter d'avancer et pendant que les autres continuent d'avancer alors que ben ils sont dans l'espace, ils ont une poussée initiale qui devrait pas s'arrêter. Donc faudrait savoir soit ça marche comme ça, soit ça marche pas comme ça, c'est pas les deux en même temps selon votre convenance. Mais au pire des gars, ta gueule c'est magique quoi. Enfin, c'est Star Wars, c'est vrai que c'est pas essentiel. C'est pas 2001 que vous regardez, c'est Star Wars quoi. À la limite, t'en parles en rigolant, tu vois, mais c'est pas grave. Regardez comment on s'est moqué de l'épisode 2 et de l'épisode 6. Ben, on s'est moqué du film, mais on l'aime quand même. On peut rigoler de certains trucs et puis les accepter parce que ben, c'est juste comme ça. Tout ça pour dire que ensuite, on a un beau plan sur Leia qui est triste de voir toutes les pertes. Et Finn se réveille en criant Rey. Et du coup, bah, t'as tout son arc qui est exprimé en un mot. Lui, il a pas fini son arc de l'épisode 7. Et il est toujours coincé sur sa mission qui est sauver Rey. On a une scène très drôle quand même où il ressort de l'infirmerie avec tous ces tuyaux qui fuient de partout. Il me bute à chaque fois. Hein. C'est con, c'est comique visuel, mais ça marche trop bien. Quoi. Et puis personne ne calcule. Quoi. Vraiment, il se balade à poil. On a rien à foutre. Le mec, il est à poil dans une combinaison gonflable pleine de flotte. Et on a même parlé de Snoke qui était dans cette scène-là et qui bolosse Hux et qui le jette par terre d'ailleurs. Mais ah oui, qui était d'ailleurs énorme. Hein, c'est la violence avec laquelle il le fracasse par terre. Ah ouais, le mec s'est pété le nez. Hein. Oui, le cascadeur s'est cassé le nez. Oh putain, oui. Bah, ah oui, devant tout le monde en plus. Finn naked leaking bag. le capot qui va voir Finn et toujours hein, dans son truc, Finn demande où est Rey, et là t'as la première super transition à la Johnson qu'on a plusieurs fois dans le film, hein. Où est Rey, et hop on cut sur Actu. Cette transition elle est super efficace quoi. Mm-hmm. C'est vraiment pas une transition comme on a l'habitude de voir dans Star Wars. C'est une transition qui cut d'un coup et qui est pas avec une espèce de bandeau déroulant de l'écran. Enfin, c'est vraiment net. C'était les transitions de Lucas. Ça, hein. C'est transitions... Ouais. Il me semble que. Oui, voilà, les rideaux. Faut pas faire comme Lucas et en mettre partout. Faut vraiment savoir les doser. Quoi. Sinon, ça devient vite la gerbe. Je suis un peu triste qu'il n'y en ait jamais eu en étoile, mais c'est pas grave. J'en ai remarqué une que j'avais jamais remarquée en regardant ce soir le film. Y a un moment où ça fait un cut sur un des vaisseaux en hyperespace. Et en fait, ça fait une transition en cercle qui part de l'endroit où est le vaisseau et qui s'ouvre sur l'écran. Et du coup, en fait, t'as l'impression que c'est juste la lumière qui te parvient de l'hyperespace. Mais en fait, il y a vraiment le cercle si tu fais attention. Et cette transition est super bien foutue. Et quand je l'ai vue, j'étais, oh putain, j'avais jamais remarqué qu'en fait, il y a le cercle qui s'ouvre là. Les vieilles transitions movie maker là. Donc Rey qui tend toujours son sabre vers tout ça pour dire que les transitions du film sont meilleures que celles de Grushkov, mais elle tend son sabre, pardon. D'ailleurs moi j'adore parce que ma note elle dit les transitions non du tout. et j'ai pas mis de note du tout sur cette scène là de Luke qui reçoit le sabre. Qu'est-ce que vous en pensez vous de la façon dont il reçoit le sabre? Moi je pense que ça fait rire, mais que c'est pas hors du personnage, ça reste un truc que Luke aurait fait. Oui, clairement il l'a déjà fait en plus, c'est voilà. Moi je trouve que ça va bien dans le truc, ça. Il y a tout. Hein. Ça, comme tu dis, ça crée le décalage, donc ça crée un côté humoristique, et en même temps, bah, ça colle au personnage, ça colle à ses intentions par après. Il l'a déjà fait comme tu fais. Donc, je vous dis, il y a tout ça. Hein. Puis c'est presque un commentaire méta en plus. C'est, comme elle s'appelle Rey, qui amène l'objet d'adoration que tous les gens dans Star Wars, mais aussi les fans, idolâtrent. Voilà, le sabre de Dark Vador. Et Luke qui dit, bah, écoute, c'est pas ça qui est important, alors je balance à la flotte. Dans le 5, quand Luke il va voir Yoda, ben Yoda il fait un peu la même chose. Hein. Il balance pas son sabre laser, mais il s'arrête, il fait, ouais, non, t'as vu comment il est, je peux pas l'entraîner. Alors que pendant tout le truc, t'as Obi-Wan qui lui fait « Va voir Yoda, tu vas voir, c'est un super maître Jedi, il va t'entraîner et tout. » T'arrives sur cette planète toute dégueulasse, t'as un bonhomme bizarre qui fait des trucs rigolos, et puis le bonhomme, d'un coup, il vient sérieux, il fait « Non, mais tu m'as ramené un connard, là, je peux pas l'entendre. » La vache. Ok, le mot est lancé, Luke est un connard. C'est un chouineur, mais on l'aime voilà. Bien. Ouais, non, pressé. La raison pour laquelle il fait ça et il fait cet arc à Luke, elle est quand tu l'entends, c'est super mignon ce qu'il dit. C'est en fait, il disait qu'il s'est posé la question sur pourquoi Luke il est venu s'isoler sur un truc comme ça loin de tout le monde alors que la galaxie est encore en train de galérer. Et il s'est dit qu'il voulait pas partir sur un truc en mode le mec il a fui et il se cache. En fait, il a dit pour lui le personnage de Luke, ce qu'il a retenu de tout ça, c'est que les Jedi, ils foutaient plus la merde qu'autre chose, et que du coup, les Jedi devaient se retirer pour laisser le côté lumineux reprendre le contrôle, mais d'une autre source que les Jedi. Et du coup, pour lui, Luke, il porte tout le poids du monde en mode « Je sais qu'ils sont en train de souffrir, mais si j'interviens, ça va compliquer encore plus les choses, ça va jamais mettre fin au conflit, et ça va toujours faire un cycle, en fait, un cycle Jedi-Sith qui bouffe l'un l'autre, et qu'il fallait... arrêter ça, et du coup, il peut pas intervenir parce que il le fait pour le bien de tout le monde. Et c'est super intéressant. Et surtout, ça explique que pourquoi le mec, tu vois, il est là en train de se ronger le sang en mode, je peux pas intervenir, c'est horrible de savoir que tout le monde souffre, et t'as une meuf qui arrive et qui fait, eh tiens, le sabre de Dark Vador! Et t'as le mec qui va, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Bah, de toute façon, il le dit. C'est un truc qu'il dit plus tard dans le film, de toute manière. Le personnage de Luke. Oui, c'est même pas un truc. Non, parce que je croyais que c'était un truc dont tu parlais que Rian Johnson ou quelqu'un avait dû expliquer après. Rian l'explique pendant son commentaire, mais le film n'était pas encore sorti quand il l'a enregistré. En fait, Luke, c'est vraiment dans cet extrait, il nous montre, il nous dit ok, bah, le Luke que vous avez connu, il n'existe plus, c'est fini. Ou en tout cas, maintenant, c'est un prolongement. Et on est face à un Luke qui est désabusé et qui veut en finir, comme tu l'as dit, Chucky. C'est comme, en fait, c'est le cas pendant tout le film. Le gars, il s'arrête, quoi. Il dit bon, bah écoute, les Jedi, ils ont fait n'importe quoi. It is time for the Jedi to end, tu vois, genre ça résume tout le film. C'est pas qu'il est désabusé, c'est qu'il sait que s'il intervient, ce qu'il représente, ça va la merde. Et du coup, c'est un côté plutôt résigné dans le sens, je sais que ça c'est la meilleure chose à faire, même si ça me coûte super cher de le faire. Oui, il est juste super déterminé, comme quand il meurt, elle le dit, elle ressent de la détermination et de la. Bon bah le film est fini. Paix. On peut continuer ou pas? Alors, juste, est-ce que ça a été confirmé que la tenue que porte Luke, c'est bien celle qu'il porte à la fin également? Et en fait, il s'apprêtait déjà à foutre le feu à l'arbre, à mourir avant que Rey arrive. Oui. D'accord, très bien. Il a juste pas réussi cette fois. Je crois qu'il essaye plusieurs fois hein, depuis qu'il est. Oui, il a déjà essayé plusieurs fois, il y arrive pas. Toutes les semaines, tous les vendredis soirs, il tente. Mais... Et ce que j'adore dans la suite de la scène, c'est vraiment à quel point Rey, elle est naïve, elle est trop mignonne. Il y a Chewie qui pète la porte et tout, et qui commence à parler à Luke. Et elle est en train de tout traduire. Parce que Chewie, et pas un moment où Luke, il tourne la tête vers elle, parce que c'est bon, maintenant, il le comprend. Après toutes ces années, Chewie, genre, elle est là en train de traduire le truc. Elle est trop drôle. Et du coup, nouvelle transition, où il dit... Where's Han? Et on cut, non pas sur Han Solo qui est en train qui n'existe plus, hein, parce qu'il aura explosé, mais sur... Bébé. Ce que j'adore, c'est que je pensais que dans le film, il allait être genre super... tu sais, genre vraiment un beaucoup plus dur et tout, beaucoup plus... difficile, et le mec il arrive première scène et il enlève son masque, il est en train de chialer, je fais ok, c'est bon, c'est bien le même, il a pas changé, il se fait seulement bolosser d'ailleurs, je crois, il se fait seulement bolosser. Ce qui est très drôle, c'est que l'échange entre Snoke et Kylo, il ressemble vraiment vraiment beaucoup à celui entre Snoke et Lorsan Tekka au début de TFA, où les mecs, ils lui disent globalement la même chose, genre... Kylo et Snoke. Pardon. Ouais. T'as dit Snoke et Lorsan. Oui, pardon. Kylo... Me disais, que j'ai pas vu cette scène. J'étais en train de dire, j'ai pas vu le même film non plus, je comprenais pas. Mais du coup, Snoke et Lorsan Tekka, ils disent globalement la même chose, genre, t'essayes d'être méchant, mais en fait, t'y arrives pas. T'es nul à chier. T'es pas méchant, arrête. On sait que t'es un bébé. D'ailleurs, bah là où il l'achève, c'est quand il dit que c'est un enfant avec un masque. Hein. Là, je pense qu'il est pas bien. Hein. Il est en PLS. Parce que là, pour le coup, il y a toujours l'espoir dans la galaxie. Et je pensais que tu serais celui qui allait l'étouffer. Et non. Et je me demande si c'est pas du foreshadowing pour plus tard. On verra. Mmh. Mais voilà. Après, Lord Santeca, lui, il était sympa. Snoke, c'est évidemment une espèce d'abuseur pervers dégueulasse. Mmh. Et d'ailleurs, ils ont coupé le moment où il lui... un moment où... il se baisse et puis il prend une larme avec ses doigts. Ah, c'est dégueulasse. Enfin, c'est vrai que là, pour le coup, ça fait... Là, pour le coup, c'est aussi un sacré choc parce que c'est pas du tout le style de relation qu'on avait, par exemple, entre l'empereur et Dark Vador. L'empereur doutait de... Il faisait des petits sous-entendus, genre qu'il doutait de Dark Vador, mais il n'y avait pas cette dimension psychologique. Et c'est vrai que, surtout après qu'on en ait parlé dans les épisodes précédents, quand j'ai revu cette scène, parce que moi pour le coup j'ai pas revu le film depuis la sortie, c'est vrai qu'elle est deux fois plus violente, cette scène. La manière dont il lui parle et qu'il le rabaisse constamment, J'avais pas souvenir que c'était aussi violent, et même si ça a été confirmé récemment par les comics, mais là c'est obvious, hein, j'ai vu du potentiel en toi, mais en fait non, t'es une merde. c'est le résumé de la scène. Il ton masque, déglingue, hein. C'est vrai. Moi, je me souviens, je suis sorti du film et genre, le seul truc que j'arrivais à dire, c'était genre, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé comment Snoke il était, parce que c'était un truc qu'on n'avait pas vraiment. J'adore, parce que on dirait un ersatz de l'empereur, mais il est vraiment vicieux et surpuissant. Il aime bien montrer en fait à quel point il est, alors que l'empereur il est très secret, tout ça, toujours sneaky. L'empereur, il veut toujours montrer qu'il est plus fort, mais lui, il veut vraiment rabaisser les autres. Ouais. En plus. Il a un côté très protocolaire, très noble, l'empereur, qui fait qu'il a un côté très. Avec du recul, tu vois, genre très stoïque. Ouais. Ah bah, Snoke, il veut au moins t'inviter à boire le thé avant, quoi. C'est ça. Snoke, très, très orgueilleux. Mais il aime le montrer, tu vois, il est théâtral. Tu regardes sa place. Oh, j'ai mis des rideaux rouges partout. Moi, j'ai un rapport particulier à Snoke parce qu'il me rappelle énormément mon grand-père paternel. Ah oui, sympa. Ah oui, mais c'est pas de sa faute, hein, mais au niveau des dans le regard, il y a un truc, dans les couleurs des yeux, puis même. Cette grosse cicatrice sur la tronche aussi. Pas la grosse cicatrice, mais entre les rides et puis le fait qu'il n'y avait pas de cheveux. Il y a quelque chose clairement chez ce personnage, et en plus, le fait qu'il soit aussi. Mon grand-père, il aimait bien balancer des grosses piques, mais vraiment bien sales comme ça aussi, j'ai souvenir, surtout à table. Du coup, voilà, cette scène-là, elle tape. Je pense que pour les personnes qui ont vraiment eu des soucis des abuseurs, des trucs comme ça, doit être très dur à voir, en fait. Alors, moi, j'avais un beau-père qui était abusif et il ressemblait à Snoke, genre les yeux bleus clairs, pas de cheveux, ce côté tout le temps à te faire croire, te donner de l'espoir et pour mieux te rabaisser après. Du coup, à chaque fois que je vois Snoke, je suis genre, pas de cheveux. En gros, c'est juste que je faisais jamais rien de bien, mais on n'est pas loin quand même. J'imagine. Ah, bon. Ok. Ils représentent très bien les abuseurs, hein. On a une bonne expérience. Clairement. Ils ont géré. Et après... oh, pardon. J'arrive... À chaque fois, je me force à me dire, putain, c'est Serkis qui est derrière, quoi. On dirait vraiment quelqu'un à part entière, Snoke. Tu te dis pas que c'est pas une vraie personne. On l'a bâché de ouf dans TFA, mais il a vraiment rien à voir, là. Il est vraiment... Déjà, les CGI sont ouf. Ah oui, Snoke, c'est de la folie. J'ai jamais vu un personnage qui rendait aussi bien, même dans Star Wars ou des trucs comme ça. Même Maz, hein, dans l'épisode 7, elle n'était pas... Même Tarkin dans Rogue One. Comment? Tarkin dans Rogue One, il doit être juste après. Non, c'est... Mais Snoke, pour le coup, je trouve qu'il fonctionne à fond. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le réussir autant. Et Serkis, il le joue très très bien. Et sa voix, surtout, je trouve sa voix, elle est incroyable. Serkis fait peur, quoi. Est-ce que c'est un alien, ce personnage, ou un humain? Est-ce qu'on sait? C'est un alien, t'as vu la tête qu'il fait? Oui, il est super grand. T'as vu ses mains et ses ongles? Sa main, elle fait la taille de la tête de Rey. C'est un humain bien dégueulasse, hein. Ouais, je pensais ça. Moi, je pensais que c'était un humain. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il lui demande comment. Tu sais, Il fait, il se moque de Hux qui s'en va là. En plus, qui fait son petit fier là, genre, hey, regarde, il m'a félicité. Et le mec, il est même pas. Non, parce que l'ascenseur est même pas fermé. T'as toujours Hux. Et puis, tu te demandes comment ce gros blaireau il m'écoute. Et le mec, il est toujours là. Il traite de bâtard. Hein. Je dis que ça. Encore bâtard. Là, votre Altesse. Bah oui, c'était fait pour. C'est bon, je garde un bâtard pareil avec moi, un truc comme ça. Enfin. C'est pire parce qu'en plus, Cœur, c'est un bâtard, mais genre les chiens bâtards. Donc il le traite à la fois de chien et de bâtard, ce qui l'est. En vrai, Hux, il a. Enfin, pas Hux, mais Snoke, il a zéro chill, il s'en bat les couilles. et direct après avoir bolossé Hux. Et le premier truc qu'il fait, c'est alors comment elle va ta blessure, et puis l'autre qui fait non, c'est rien, genre hein, le petit mec blessé là. Il serre les dents, en fait. Non, c'est rien, il fait le dur en fait. Ouais, il fait le mec, hein, comme on a dit, là il est déconnecté de son féminin qui est Rey, et du coup il fait un peu le bonhomme. Et j'avais noté aussi que ça pouvait avoir aussi une autre signification qui serait par rapport à justement ce qu'on appelle the wound of love, qui est la blessure que t'inflige ton amour. Blessure amoureuse. Ouais, voilà, c'est la blessure d'amour qui a été infligée par la personne qui est destinée à être avec toi. Donc on verra bien. Hein. Vous allez tuer un peu vite en besogne. Ça peut être une des. J'adore comment le mec, il se relève et il est à deux doigts d'attaquer Snoke. Genre, mais qu'est-ce que tu crois que tu fais là? Moi, ce que j'adore dans cette scène, c'est que tu sais, il se lève en mode je vais te bolos. Et puis t'as Snoke qui l'envoie chier. Et du coup, Kylo, il regarde ailleurs. Mais si tu regardes bien, il regarde vers les gardes prétoriens. Il y a un plan sur les gardes prétoriens qui sont en mode on va te défoncer. Et il les regarde, il fait une espèce de mou, genre qu'est-ce que t'as toi? Regarde pas. Blessé dans. Et ils se vénèrent aussi, les gardes, c'est là où on voit leurs armes, justement. Oui, oui. Ouais. Tu vois qu'ils sont prêts à l'action dès le début. Ouais, c'est des flics. Ils attendent qu'une chose, c'est de se battre. Il leur manquait juste les grenades. Et du coup, on repart du côté de Rey qui répète son discours, genre comme si elle l'avait répété tout le long du voyage, genre complètement sans vie. Ah oui, c'est vrai qu'il pète son casque dans l'ascenseur. Bah oui. Bah oui. Pardon, j'ai oublié ça. Et du coup, il a fait ça. D'ailleurs, c'est Ryan qui a défoncé le truc au sol aussi. Je me suis marrée quand je regardais parce que du coup, il fait ouais, en fait, il a pété le casque, il était pété en deux. Et puis, on était en train de remballer les caméras. Et moi, j'ai fait attendez, on va essayer avec le casque, mais qui est tout pété. Et du coup, il a sauté dessus à pieds joints jusqu'à ce que le truc soit lié. Il fait comme ça, c'est pas mal. J'étais trop en train de sautiller sur le casque en mode. En plus, il est tout petit. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? J'aimerais bien voir ça, tiens. Du coup, on en revient. J'ai Kylo dans cette scène. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où il ne l'est pas? Bonne question. Et du coup, on en revient à Rey qui fait l'espèce de pep talk là où elle lui dit ouais, vas-y, tu sais, elle lui fait un discours qui sonne ultra creux, genre ouais, vas-y, reviens et tout. Et puis l'autre, il l'envoie chier. Ils sont pas besoin de moi. C'est à ce moment-là qu'il dit est-ce que tu crois que si je viens, je vais tout régler mon problème en juste un sabre laser? C'est à ce moment-là qu'il dit ça, ouais. Okay. Oui. Ouais. Alors, par contre, cette scène avec Snoke et tout le motive aussi à prendre son vaisseau pour aller niquer sa mère. Enfin, pas du tout. Peut-être pas. C'est peut-être pas le bon choix de mot. Non, mais. Oh putain! Non, c'est pas sa mère qui veut attaquer, c'est la résistance. Parce que, en fait, il voulait s'en prendre à Snoke. Il peut pas parce qu'il est trop faible. Il voulait s'en prendre aux gardes. Il s'est dit, ouais, non, c'est peut-être pas la peine de faire défense. Moi, tel que je l'ai compris, c'est qu'il, vu que Snoke dit qu'il a certes tué son père, mais que, voilà, ça l'a pas forcément rendu. C'était pas assez, ça l'a, il en souffre et tout. Enfin, ce que je comprends, c'est tu vas voir, moi je vais aller tuer ma maman, et puis là tu pourras plus rien dire. Quoi. Enfin, ses motivations, c'était vraiment d'aller se passer les nerfs sur des... Moi j'avais compris comme maths. Ouais. Ça peut marcher aussi comme. Oui, ça marche comme interprétation, mais je crois pas que c'était son but premier. Je pense qu'il était juste vénère, il voulait casser des trucs. Mm-hmm. Il avait déjà cassé son casque. Tu lui donnes une bombe, il va faire des tags sur le trône de Snoke, et puis ça. Casser son casque, ça avance rien à la guerre, alors que casser tous les pilotes. C'est vrai parce que j'en ai déjà parlé, genre tout le monde est là, genre ouais, mais il a fait massacrer un village, genre il a tué tous les pilotes, mais tout le monde s'en fout. Genre ça, il l'a fait tout seul aussi. Non, on en parlera plus tard. D'ailleurs, justement, dans cette scène, c'est au moment où il y a Leia qui engueule Poe pour avoir fait n'importe quoi. Qui met 50 baffes. Oui, quand tu regardes le making of, elle lui a mis tellement de claques pour arriver à son prix. Alors moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. Donc, Poe fait n'importe quoi dans tout le film. Ouais. À ce moment-là, quand même, je me suis demandé... alors après, c'est peut-être un truc qui est expliqué en dehors. Pour moi, le fait qu'il soit resté plus longtemps pour péter tous les canons, ça ne me semblait pas être une idée complètement stupide, parce qu'il se disait, sinon les bombardiers vont se faire descendre. C'était quoi le plan à la base? Lui, il voulait péter un dreadnought. Le plan, en fait, c'était juste qu'il gagne du temps pour que toute la base soit évacuée et qu'il puisse partir tous en hyperespace. Mm-hmm. Et c'est ce qui était prévu. D'ailleurs, elle lui dit, OK, c'est bon, tu peux revenir, on se barre. Et lui, il fait, non, on peut péter le dreadnought. Ce qui est cool. Ah oui, ouais, OK, ouais. C'est pas en fait, au début, il voulait gagner du temps et après, il a eu ses folies des grandeurs, là. Et il s'est dit, ah ben, on va quand même vraiment péter le dreadnought, ce qui est stupide parce que ça servait à rien, ils étaient plus en danger. Et du coup, il a perdu tous leurs bombardiers. Et de toute façon, ils se sont rattrapés après. Donc. Puis il doit y avoir un dreadnought dans la galaxie. Parce que moi, j'avais sûrement mal compris, mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est peut-être pas complètement idiot parce que je me suis dit, ils veulent péter parce que sinon, ils avaient peur que tous les vaisseaux se fassent descendre à coups de canon par le dreadnought. Mais effectivement, oui, non, là, comme ça, je vois mieux. Mais ils attendaient juste qu'ils reviennent pour partir en hyperespace. Donc, C'était ça, ils devaient juste faire une diversion. C'est comme si tu disais à un gars, va faire une diversion là-bas sur le champ de bataille, le temps qu'on fait s'échapper les otages. Le mec, il y va et puis il commence à prendre un katana et dire, tous vos Mickey, et puis venez avec moi, mes potes. Et du coup, t'es genre, on peut pas se casser sans toi, abruti. C'était ça, en fait. Il a pris un peu trop d'assurance et il n'a pas pensé aux autres gens. Et c'est pour ça qu'il y a le plan aussi sur PG2 qui montre « Bah ouais, mec, t'as sacrifié tout le monde juste pour faire ton kéké en mode « J'ai pété un dreadnought ». C'est dommage. C'est un mec, un vrai. Puis après, il se prend des claques, voilà. Donc, on était sur Rey et Luke qui lui dit « Mais tu crois que je vais sauver la galaxie à moi tout seul avec mon petit sabre laser ?» Ah oui, merde, parce qu'il avait ça avant. Il se rend compte que c'est un peu ridicule, ouais, qu'est-ce qu'elle s'attendait à... Parce qu'elle est venue là en mode « je viens te chercher », mais personne n'avait l'idée de ce qu'ils allaient demander à Luke de faire. C'était « On va ramener Luke et ça va aller mieux ouais. ». T'as Luke qui est super pragmatique. Et du coup, vous allez me faire quoi ?« Ah bah ouais ». C'est vrai qu'il dit « Bah on espérait que t'avais un plan ». Ouais, c'est ça. Pendant tout ce temps à méditer, on se disait que t'avais un truc. C'est génial. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Ah non, c'est après qu'ils auront leur première connexion. Je lis tes notes et t'as mis « il va détruire sa mère », ça m'a fait... Ça va très bien avec ce que disait. Hein. Et quand Luke va traire les bestioles bizarres, c'est avant la scène dans l'espace avec le vaisseau? Non, c'est après. C'est après, je crois. Ah, ok. Okay. Désolé. Bah, on peut parler de toute façon de l'attaque du Suprématie, la première fois qu'on voit le Suprématie, hein, qui est gigantesque. Il est magnifique. Oh, j'adore sa forme. C'est une aile. Suprématie vaisseau de Snoke, là, en forme Delta. Ouais. Mes notes, elles partent en couille, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, il y a leur connexion à tous les deux. Et justement, ah si, mes notes ne sont pas parties en couille, c'est juste qu'à la fin, je relis le truc. Il y a cette connexion entre Leia et son fils qui se fait. Mmh. Et, il a déjà détruit tous les pilotes. C'était classe, c'était très cool. C'était très rigolo. Hein. Et il tourne en rond son truc. Du coup, Tali n'est plus le meilleur personnage vu qu'elle est morte. Oh, attends, juste avant que tu embrayes, moi j'ai noté, vu qu'on parlait de déconnecter du féminin et des trucs comme ça, Po se fait couper de son masculin d'un coup. Et c'est pour ça qu'après il est plus agressif et qu'il s'en prend aux femmes beaucoup. C'est parce de son que... féminin, tu veux dire? De son féminin. Vas-y. Quand il arrive dans le. Pour. Je peux aller monter dans mon vaisseau et tirer sur des trucs. Il arrive dans le hangar, il se fait expulser et les portes se ferment en mode non, tu ne peux plus faire ça, va falloir utiliser ta tête maintenant. Et du coup, c'est ça qui fait que. Après, il est super agressif parce qu'il se sent complètement inutile. Le mec, il sait plus rien faire. Son truc à lui, c'est de monter dans un vaisseau et tirer sur des trucs. Et là, il se retrouve sans vaisseau et sans rien à faire. Est-ce qu'il s'est fait émasculer, du coup? En fait, utilise ta tête maintenant. Un petit peu, ouais. Mais très difficile avec tous ces personnages. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont pris qui se sont sentis visés parce que ben ça remet beaucoup en cause la masculinité et tout. Celle qui est négative. Et donc, par rapport à la connexion, donc, il y a un truc qui a été plus ou moins confirmé par JJ, c'est que il y a les The Sins of the Father, les péchés du père, qui, du coup, en fait, toute la saga, c'est les répercussions des conneries d'Anakin. Et du coup, le gros problème de cette famille Skywalker, c'était la séparation d'Anakin du féminin, Padmé, dans la mort. Anakin y était tellement déconnecté du féminin qu'il a même pas reconnu Yoda quand il l'a... Yoda Il a même pas reconnu Leia quand il l'a torturé. Et ben la torture continue parce qu'ils se sont jamais réconciliés. Anakin n'a jamais intégré son féminin dans la trilogie originale. Hein. Il s'est réconcilié avec son fils, mais il s'est pas réconcilié avec sa fille. Il l'a même pas reconnu comme sa fille. Ouais, il l'a même... juste parce que Luke a vendu la mèche, mais il a ressenti en Luke son fils. Il a absolument rien senti en l'air, tellement il est déconnecté du monde. Ouais, ouais. Et du coup, bah, Ben Solo, lui, il aspire à reprendre contact avec elle, à cette chose à laquelle il a été appelé, afin de enfin guérir sa famille et son moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Ben Solo, thématiquement, c'est une réincarnation d'Anakin, même si c'est pas forcément une réincarnation d'Anakin, même s'il est... Il a été conçu quand Anakin est mort. Hein. À côté du cadavre d'Anakin. Oui, par-dessus le cadavre d'Anakin. Sur le bûcher. Je le présente comme ça, oui. Ah, il est sympa, Sly. mais oh, horrible. Le truc, c'est que ils sont tous les deux perdus. En gros, Padmé et Anakin sont encore perdus dans leur mort, en fait. Et du coup, Ben et Rey et Leia ont aussi perdu une part d'eux à laquelle ils n'ont jamais pu se réintégrer. Leia, elle n'a jamais pu réintégrer son père, et donc elle n'a pas pu prendre soin comme il fallait de son fils, elle n'a pas pu intégrer Ben, en fait, qui, du coup, porte le fardeau, non pas seulement de sa mère, mais aussi de son grand-père. Et je pense donc que cette connexion-là, elle est très importante parce que ça, c'était aussi un peu du foreshadowing, qu'ils peuvent se réconcilier, se réintégrer. C'est juste pas encore le moment. Arrête, c'est métaphorique. Et que quand ça arrivera, quand ils arriveront enfin à faire la paix chacun l'un avec l'autre, c'est là que ce sera la fin du truc. Et j'espère. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que les problèmes de connexion, c'était chiant. Et je suis d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, surtout sur Discord. Non, c'est vachement intéressant. Ouais. C'est ça le reverse Anidala ou Oui, ça fait partie d'accord. De ça. Et d'ailleurs, l'appel à l'aventure de Ben, c'est le retour à la lumière. Du coup, tout ce qu'il fait, ça le poursuit dans cette voie-là, hein, comme on a dit. Bon, lui, il jure qu'il va être méchant et à chaque fois, il échoue, hein, comme on avait dit. là, il y va, justement, il y va pour détruire sa mère. Et tout ce qu'il réussit à faire, c'est se connecter à elle. Et d'ailleurs, ils sont interrompus par le premier ordre. On a heureusement qu'il y a des pilotes efficaces au premier ordre, quoi, qui font son travail à la place. Les mecs, ils sont allés à 3, ils ont fait plus de dégâts que l'Empire pendant toute la trilogie originale, alors qu'ils avaient l'étoile de la mort 2 fois. Et d'ailleurs, il disait que Kylo, il a été surpris par le tir des deux gars, parce que s'il avait su que les autres comptaient tirer, il aurait stoppé les tirs pour que sa mère survive. Oui, n'oubliez pas que ça, c'est canon aussi. Oui. Bah, ça se voit, oui. Bah, d'ailleurs, justement, à ce moment-là, il y a un des trucs, pour moi, cette séquence, justement, parce que c'est vrai qu'ils font quand même masse de dégâts avec leur petit vaisseau. Et je trouve que Hux dit le truc le plus intelligent qu'il dit du film. C'est ça sert à quoi d'avoir des gros vaisseaux comme ça si on peut pas péter des petits vaisseaux de merde devant? Voilà. T'as donc, l'autre qui essaie de lui expliquer son boulot, c'est « Oui, mais nos vaisseaux, ils sont pas comme ça. » Donc bravo, bravo, Hux. C'est pas comme ça que ça marche. Beau moment de lucidité, ouais. T'as l'autre qui le regarde, il fait « C'est pas toi qui décide. » Mais nos vaisseaux, ils sont trop lourds, hein, voilà, c'est ça de vouloir de la technologie partout, après ça pèse une tonne. C'est ça qui manquait à l'Empire depuis tout ce temps, un peu de lucidité. Ça a duré une demi-seconde. Quelqu'un qui a réalisé le délire phallique sur les vaisseaux, voilà, ça va bien, 5 minutes. D'ailleurs, en parlant de désir phallique, rien à voir, mais quand... ah oui, ben, enfin, on va peut-être parler de la séquence en elle-même d'abord. Donc, on voit Leia qui se fait projeter dans l'espace. C'est à ce moment-là, je crois, dans le film, que j'ai perdu ma main droite parce que Tuki me l'a serré tellement fort que je suis mort. Attends, moi j'ai vu le film. RIP la main droite. Je la vois qui se fait aspirer. Je fais oh putain, non, mais ils ont pas tué Leia. J'étais tellement choquée. Ah bah ouais, tous. C'est à ce moment de what? Non, attends, ils vont la faire revenir. Attends, c'est chelou. C'était perturbant. Mais on a tous bugué, je crois. Ah oui, on a tous eu un walker là, à ce moment-là. Je pensais vraiment qu'elle allait mourir. Moi, perso, j'y croyais pas. Pareil. Bah, pareil, ouais. Hein. Je me suis dit, c'est foutu. Et moi, je fais mais non, on l'a vu sur Crate. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, après 2 ans plus tard, la scène de Leia qui revient dans le... C'est trop bien. Dans le vaisseau. La scène de Leia qui vole, là. C'est ça, on va en parler. Vas-y. Je l'ai mieux vécu là, en revoyant que la première fois. La première fois, c'est peut-être bizarre. L'effet, la pose, le rendu. Je sais pas, ça m'avait légèrement sorti du film sur le moment. Pas le fait qu'elle utilise la force, ça, j'ai pas souci avec, mais je sais pas, c'était... Il y avait quelque chose dans la façon dont c'était fait qui m'avait un peu déplu, et sur le moment, j'étais pas bien. Heureusement, ça m'a pas sorti totalement du film, et j'ai pu continuer à apprécier, mais là, en le revoyant, maintenant, pas de souci. En fait, c'était tellement surprenant sur le coup que, ouais, moi aussi, ça m'a fait ça. Un truc de... Mm-hmm. Wow. Oh la vache, vraiment, en fait... tu t'y attends pas, et t'as du mal à capter tout ce qui se passe. Moi, ouais, pareil, ouais, c'est sûrement la pause qui m'a décontenancé la première fois. La deuxième fois, oui, bah, c'est sûrement l'effet d'habitude. Mais moi, surtout, ce qui m'a tout foiré et qui m'a détruit cette scène, c'est super original. Mais ma copine m'avait montré cette vidéo où ils font un montage avec cette scène-là et la musique Shooting Star là, qu'on entend partout. Voilà, oui, donc qui m'a complètement détruit la scène. Je peux plus la voir sans entendre cette musique. Donc voilà. Moi, ouais, je me suis rendu compte d'un truc quand j'ai revisionné le film tout à l'heure. C'est qu'en fait, Leia et Luke, par leur utilisation de la force dans le film, se répondent. Je veux dire par là que Leia, elle se sauve en se tirant dans l'espace, et Luke se sauve en tombant dans l'escalier en se poussant du sol. Quand il se bat contre Rey. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et finalement, l'utilisation de la force de Leia, j'ai toujours bien aimé, mais alors là, je l'aime encore plus. Quoi, Voilà, Leia, je fan. Moi, j'aime. Ça y est, c'est le moment, les gars. C'est moi, bien. Dans la novélisation. Oui, non, pas c'est... mais oui, mais elle a été tricky parce qu'elle en a parlé avant sans le préciser. Ah, tu nous avais eu. Oui, c'est vrai. Alors. Leia, elle a suivi un entraînement avec Luke. Elle n'a pas la même façon de ressentir la force que lui. C'est-à-dire qu'elle, elle a une façon plus passive et d'observation. Luke, lui, il a été traîné pour être un chevalier. Et il a voulu faire pareil avec Leia. Elle lui a dit, non, c'est pas trop ma cam, etc. Ses premières leçons, elles sont décrites dans la novélisation. Et c'est super intéressant comment la novélisation développe encore plus les personnages. Et elle disait qu'au début, ouais, elle était genre, ouais, non, je serais pas aussi. Pas trop quoi en faire, jusqu'à ce que, à force de s'entraîner, elle finisse par ressentir. Et donc, elle a pas voulu s'entraîner à manipuler la force, elle l'aperçoit. Et d'ailleurs, dans la scène où elle a sa connexion avec Kylo juste avant, elle le reconnaît, parce qu'elle reconnaît la façon dont la force gravite autour de Kylo. Elle reconnaît ce. Kylo, dans la novélisation, dès qu'on parle de la force autour de lui, on dit que la force, elle fait des... C'est comme si c'était une tempête, en fait. C'est... La force est hurlante autour de lui. C'est comme ça que tu le perçois. Comme le métal. Il fait du scream dans la force. Et elle reconnaît cette énergie. Elle reconnaît aussi l'énergie qu'elle avait perçue dans son ventre quand elle était enceinte de lui. Mm. Et elle ressent, en fait, tous ces trucs. Et quand elle se fait éjecter avec l'explosion, elle pense qu'elle va mourir. Et elle se dit, ça y est, c'est la fin, je vais mourir, etc. Et en fait, au moment où elle est en train de perdre son souffle et voilà, en train de partir, elle ressent que la force. Et elle ressent toute l'agitation et toutes les émotions qu'il y a dans le vaisseau dont elle vient de se faire éjecter. Elle ressent la peur, elle ressent l'excitation, elle ressent en fait une boule d'énergie chaleureuse. Et elle est dans ce froid, et elle sent cette chaleur, et du coup, d'instinct, elle s'accroche à cette chaleur. Et c'est ça qui fait qu'elle se fait réattirer sans même elle-même consciemment le faire. Elle se raccroche à l'énergie vitale de ces gens pour se maintenir en vie. Et au moment où elle arrive devant le sas et qu'il souffre et qu'elle, pouf, elle se fait envelopper par cette chaleur enfin, et ben là, elle s'évanouit, elle est au bord de la mort, hein, ils le disent, elle a les signes vitaux très faibles, parce que ça y est, elle sait qu'elle est sauve. Elle sait qu'elle est là pour les guider et qu'elle ne les a pas abandonnés. Mm-hmm. Mais est-ce que vous savez de quoi s'est inspiré Rian Johnson pour ça, pour cette Alors scène là, pas du Eh tout. Bien, il s'est inspiré de toutes ces histoires des mamans qui soulèvent des voitures pour sauver leurs enfants. Ouais. Et au final, je me dis, c'est vrai que si on est capable de faire ça dans la vraie vie, je pense qu'on ne va pas trop s'embêter par rapport à quelqu'un qui se tire dans la force. Parce que oui, Matt, elle ne vole pas parce qu'en en fait, elle est dans l'espace. Tu ne peux pas voler dans l'espace. Tu flottes. C'est très beau parce que lui, il pensait à ce côté, tout ce qu'on est capable de se surpasser ouais. pour ceux qu'on aime. Et elle veut pas mourir parce qu'elle veut être là pour aider la résistance, parce que c'est sa famille, ses bébés tous. C'est vraiment la scène où j'ai toujours eu du mal, mais je la trouve magnifique. Donc tu vois, c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai du mal à la regarder parce que... ça fait bizarre. Ça fait toujours bizarre. Je commence vraiment à m'y faire maintenant, mais en même temps, je trouve ça... très joli. Et puis, de toute façon, Kanan, il est allé dans l'espace aussi, dans Rebels, mais ça a été fait par des Filoni qui est considéré comme dieu, donc voilà, lui, il a le droit, mais quand c'est Leia, elle a pas le droit, je sais pas. J'ai une théorie. Ah ah. Kanan, il a des couilles. Donc c'est là où il va dans le faucon et R2 le troll. R2, il est trop bien. Il l'insulte. On le voit pas beaucoup, mais... Connard! Non, fais attention à ton langage. Fuck me! Je veux dire, tu peux pas être là quand on a besoin de toi, bordel. Tu peux pas prendre tes responsabilités. R2, il est connu pour être super vulgaire. Ouais, ouais. C'est un. Il a grandi, il a été fabriqué sur Naboo, mais il était dans la campagne de Naboo, lui. D'ailleurs, c'est très drôle parce que dans la novélisation, ils disent que R2, il parle souvent avec le faucon. Et le faucon, je crois qu'il a 2 ou 3 IA. Et elles ont des personnalités différentes. Et il y en a une avec laquelle R2, il adore gossiper, tu vois, genre faire la commère. Et il y en a une autre avec laquelle il adore raconter des blagues de cul. Des blagues de cul de droïde. Est-ce qu'on a les blagues ou non? Non, pas vraiment, mais on sait que ça amuse beaucoup le faucon. Ça doit être les restes d'L3. Oui, c'est ça, moi je pensais à ça aussi, je trouvais ça merveilleux. Et puis aussi, c'est la première fois... Non, c'est pas la première fois où on voit les porgs, mais c'est pas dans cette scène où il y a Chewie qui bouffe. Jeu, oui, j'adore la tranche des porcs parce que tu sais, ils tournent la tête vers Chewie avec leurs yeux tout pleurants, et t'en as un qui tourne pas la tête et qui regarde juste la broche et qui est genre... Il a la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts. Mais... Oh mon dieu. Alors, on ne sait pas s'il est triste ou s'il comprend pas ce qui se passe. Oui, oui. Il est choqué. Bah, je comprends en même temps. Non, ouais. Non, les porgs, on les voit pour la première fois. D'ailleurs, moi, je reviens vraiment en arrière, mais c'est juste pour cette petite séquence. C'est quand ils jouent avec le sabre laser que Luke a balancé. Et moi, je flippais vraiment qu'ils activent le sabre. Oui, Grushkov aussi. Je crois qu'il y a un artwork. Où ils le font, ouais. Où ils l'ont allumé le sabre. Oui, dans les artworks, oui, ils l'ont. Et c'est à ce moment-là que, juste après cette scène avec R2 et le message de Leia, que Luke va voir Rey et lui dit: bon, ok, demain à l'aube, voilà. Début de l'entraînement. La campagne. Ouais, c'est ça. Je t'enseignerai. Oh, les belles références. Mais voilà, il dit non, mais je vais. Tu sais, il dit pas je vais t'entraîner. Il dit je vais te montrer pourquoi je vais pas venir. Mec, il est gros emmerdeur. En fait, leçons. Il fait un post Twitter. Pourquoi j'ai quitté Twitter. Je vais lui montrer pourquoi les Jedi doivent disparaître. Le mec, il lui fait un PowerPoint. Caretakers, il me faut trop rire. Toi, t'es surtout fan de l'image de celle qui fume, là. Moi, je suis fan de la scène où Rey, elle fait tomber la pierre et t'as l'autre qui se retrouve avec ses morceaux de brouette cassés dans les mains et qui lève la tête en main. J'étais triste. Non, le goût de la brouette, c'est génial. Moi, j'adore. J'aurais une question à propos des Caretakers, justement. Oui. On est d'accord qu'elles ont la même fonction que les Lost Wolves de Lothal, et Chirrut et comment il s'appelle son ami, je me rappelle plus, de Baze. Ouais voilà, de comment, de Jedha, non, c'est le même, c'est différent parce que comment s'appelle Chirrut et sais... tout, ils croient en la force et tout, alors que les caretakers, elles elles habitent l'île, et puis un jour il y a des mecs qui sont venus et qui ont commencé à faire leur maison et leur truc comme ça, et elles, du coup, elles ont décidé d'entretenir les lieux. Elles n'ont pas de connexion à la force et de trucs comme ça. Elles entretiennent juste les lieux. Et d'ailleurs, il y a une grosse partie sur elles dans la novélisation où elles racontent qu'à travers les ans, et ben, la matriarche, elle passe la main à une autre et à chaque fois, elles apprennent aux nouvelles et tout à entretenir cet endroit et à servir et respecter les nouveaux arrivants. Et elles étaient très étonnées de Luc parce que d'habitude, elles font vraiment, elles servent les gens qui viennent. Et Luc, il leur a dit non, non, c'est moi qui me fais ma bouffe, c'est moi qui lave mes vêtements, c'est moi qui fais ci, ça, ça. Et du coup, elles étaient genre, ouais, chelou celui-là. Et elles racontent aussi qu'il y a des gens qui venaient là des fois pour tout détruire. Il y en a qui venaient là pour se donner la mort. Et plein de trucs comme ça, super intéressants sur tout ce qui s'est passé sur Act II à travers les âges. D'accord. Je te remercie. Tu savais que les caretakers, c'était de la même espèce que les porgs. C'est juste la version évoluée un peu. Comme si les singes. Comme, ouais, sérieux, les primates. Ouais. Waouh, ouais. Mais ça les rend carrément plus mignonnes, du coup. Mais ouais, c'est ça. Je n'irai pas jusqu'à dire sexy, mais... Mais presque. Bon, faut qu'on avance, les enfants. Holdo arrive. Ah, Holdo. J'adore parce que elle fait The chain of command is clear. Donc, t'as Poe là qui se sent plus pisser. Et commandement Poe, il se redresse bien, tu sais, genre, ouais, c'est bon et tout. Et puis, c'est vice-admiral Holdo. Et c'est intéressant parce que, comme. Star Wars, c'est facile. Star Wars, c'est facile à comprendre. Et donc, Holdo arrive, et d'habitude, voilà, c'est facile, en fait, de dire en qui tu peux avoir confiance dans Star Wars, principalement grâce au symbole. Et il y a un truc que j'avais pas remarqué jusqu'à il y a quelques mois, c'est que elle a un halo. Un halo. Une auréole. Oui. Si oui, vous la regardez, elle a une auréole. Je vois ce que tu veux dire, oui. Elle a une auréole dans sa coiffe lui fait une auréole. Elle est littéralement un ange. Okay. Et du coup, on commence à vraiment rentrer dans le pot con. Hein, et je trouve ça rigolo que justement tout le truc. Tout l'arc de Poe et Holdo, c'est inconfortable pour les mecs les plus faibles qui regardent le film. Genre, il y a méga Deb en plus à partir de là, Poe. Poe, c'est un sale con, il fait même peur à des gens. Je sais pas. À un moment, bref. Voilà, donc lui, Poe, comme on a dit, hein, il ignore son féminin inconscient et son but, c'est de s'ouvrir à ça et de lui refaire confiance. À nouveau, sauver ce qu'il aime, être un bon leader. Ouais, il s'en rend pas compte vite. Hein. Ouais. Parce que justement, c'est très très intéressant ça, ce que tu dis depuis le début, que Poe est très déconnecté du féminin, parce que quand elle arrive, il la regarde de haut en bas, en mode ouais, ok, c'est ça. Il le dit même, ah, c'est ça. C'est pas comme ça qu'il imaginait. Et Ryan a dit que quand il a créé Holdo, il voulait justement faire un personnage qui casse ce qu'on attend d'un vice-amiral. Il dit, on s'attend généralement à cette figure militaire, etc. Et là, on voit une femme en robe, élégante, etc. Et du coup, on s'attend pas. Et il disait, ce qui était très important, c'est qu'elle a beau être une chef de guerre, elle a toujours ce côté très féminin. Et il disait, elle est pas ce qu'on a l'habitude de voir de l'homme un peu bourru, un peu, voilà. Elle est très féminine. Et elle n'est pas ce qu'on s'attend à voir. Et le fait qu'elle soit très féminine, c'est génial avec Poe qui se comporte comme un gros misogyne avec elle tout le temps. Ça me rend ouf. Le nombre de gens qui disent mais c'est censé être une militaire et elle est habillée en robe, machin truc et tout. Genre, attendez, est-ce que vous avez regardé Star Wars de 1977 ? Parce que je crois qu'il y a un personnage qui a une robe dedans. Ouais, mais à la limite, c'est une sénatrice. Moi, à la limite, je prendrais plutôt l'exemple de Mon Mothma, qui est aussi dans qui est dans l'Alliance. Celui de 83. Voilà, ouais. Non, mais Leia, elle est en tri, ouais, on le sait tous. Les Jedi sont des guerriers, ils sont en robe de chambre. C'est pas forcément la meilleure tenue pour combattre. Hein. C'est, je veux dire, c'est casse-gueule, hein, leur tenue pour combattre. Le truc qu'ils prennent au pied, tu peux facilement prendre les pieds dedans. Et surtout, Holdo, c'est une militaire dans l'espace, dans un huis clos. Elle sort jamais de son vaisseau. Tu pourrais être en slip, ça changerait rien à tes fonctions de commande, je veux dire. Elle n'a pas besoin d'avoir une tenue pratique pour la guerre parce qu'elle ne combat pas sur le terrain. Son bah oui. terrain, c'est l'espace. Ouais. Et son, effectivement. Son équipement, c'est son vaisseau, pas ses vêtements. Ses cheveux, oh my god. Ah, c'est trop cool. Ryan, il fait, je lui ai dit qu'on allait partir sur du violet et elle était d'accord, elle n'a pas signé. Donc, D'ailleurs, il y a un truc que je n'ai pas dit et je ne crois pas que je l'ai mis dans les notes, c'est à quel point... C'est un truc ultra rare dans les films, surtout les blockbusters, de voir des belles femmes qui ont plus de 40 ans. Ouais, c'est vrai. Hein. Vraiment. Surtout, ouais, ouais. Genre, c'est pas genre le fait qu'il les ait refaites et tout. Tu vois Carrie Fisher dans le film, elle a jamais été aussi magnifique, je trouve, même dans la trilogie originale. Pareil pour elle. À un moment, je me disais peut-être qu'il est gérontophile ou un truc comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il a vraiment l'œil pour les rendre belles. Mais non, sa compagne, elle est pas du tout vieille. Et c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu. C'est waouh, moi qui n'aime pas du tout les vieux et encore moins les vieilles, je les trouve vraiment superbes. Chérie, je te réponds. Moi, je suis gérontophobe. Un jour, je serai mort. Oui, mais je serai mort avant. Ah, ça va alors. Ambiance. Je sais pas, ça voit ce que tu dis. Non, mais t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, Grush. Ça, c'est pour le coup, c'était vraiment un. Ça semble un truc qui relève juste d'être un humain et voilà un humain décent, mais c'est un exploit dans le monde d'Hollywood actuel. Et surtout, voilà, les vieilles femmes quand on en a des représentations, c'est vraiment les grand-mères quoi. Ouais. Soit littéralement. Oui, elles sont à l'arrière-plan. 80, 90, qui sont toutes petites, toutes frêles, toutes tremblantes, avec le dos bossu machin. Là, t'as des vraies belles femmes. Âgés et qui sont pas des mamies. Je crois que c'est à cause de Miyazaki que j'ai peur des vieilles. et puis même au-delà de ça, d'avoir des femmes âgées avec un rôle important qui est pas juste un rôle de voilà de. Pas juste la grand-mère, voilà. Voilà exactement, oui, un rôle de. La vieille folle, tu sais, avec ses chats dans la maison qui fait peur. Ouais, voilà, quelqu'un qui n'a pas un rôle qui est défini par un personnage masculin plus jeune. Oui. Mm-hmm. Donc il y a leur échange hein, où elle le ramène. Elle le ramène à la réalité, genre, mais t'as pas été dégradé juste avant. Du coup, elle le redégrade psychologiquement. Et j'adore aussi, pareil, littéralement dans le film, elle lui dit, tu es dangereux, impulsif, t'es la dernière chose dont on a besoin. Ça devrait suffire. Il est dangereux et impulsif. Et non seulement elle le dit, mais lui, il le prouve après. Ouais. Et t'as quelque chose à dire, toi? Tu penses qu'elle aurait dû... Non, au contraire. Moi, ce que je veux dire, ça devrait suffire pour les gens qui regardent le film. Par contre, que lui réagisse connement à ça, finalement, oui. C'est complètement logique. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ce que tu disais aussi. Oui, oui. Enfin, oui et non. Parce que t'es en situation de crise. Tu peux pas te permettre de prendre le risque de révéler le plan à trop de monde. Non, c'est parce qu'il a dit. Oui, je sais. Non, oui, d'accord, il réagit comme ça, mais parce que, oui, c'est Poe, il a l'habitude d'être l'homme de premier ordre. Parce que, justement, elle a parfaitement lu qui il était. Oui, voilà, et lui, ça lui plaît pas. Lui, il veut être, il se croit important, etc. Lui, il veut faire le héros, et le héros, c'est celui qui sait tout, qui sauve la situation, machin. Mm-hmm. Comme là, il a perdu son jouet et qu'il peut plus rien faire, il se sent inutile, et en plus, il voit qu'il y a une meuf qui arrive... qui lui plaît pas et qui est genre maintenant c'est moi qui contrôle, c'est moi qui ai le pouvoir là. Alors lui, genre. Mais après, voilà, il aurait été plus zen, mais là, comme il est tout seul et qu'il sait pas sur quoi se défouler, fallait lui prendre une PlayStation, le pauvre. Mais par contre, c'est vrai que oui, de se faire entendre, je comprends, j'imagine qu'il y a un certain nombre de mecs qui ont dû se voir dans cette situation-là et qui ont dû mal le prendre, et c'est vrai que voilà, je. Il faudrait peut-être qu'ils se remettent un petit peu en question quelque part quand tu vois ce que ça donne dans le film. Et ben oui, mais c'est ça qu'ils veulent pas. C'est justement, on leur dit, les masculins toxiques, c'est mal en fait. Et ils font, pas toxique, c'est vous qui. Parce qu'on le voit, ouais. On le voit à chaque fois qu'on a un personnage féminin un peu dans ce style-là, dans tous les films, pas que dans Star Wars. Voilà, les gens vont systématiquement un personnage comme ça qui va reprendre un mec tout de suite. Elle ouais. va être, c'est une connasse, voilà, mal baisée. On trouve toujours des explications fumeuses pour dire pourquoi le personnage féminin est comme ça. Donc, si ça avait été un mec, ils auraient dit oh là là, comment il a remis Poe à sa place. Ouais, voilà, non, c'est complètement ça, oui. Il y a complètement, ça se voit dans tous les films, la différence de traitement, c'est vraiment triste. Elle le dit, hein, Holdo, à la fin, qu'elle l'aime bien. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, Holdo et lui ont le même tempérament. C'est juste qu'elle, elle est beaucoup plus posée et que justement, elle sait comment il est, alors que lui, il est tête brûlée, il refuse de s'analyser lui-même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la BD, je fais vite faire une aparté, mais la BD justement, une des BD sur Poe qui est sortie il n'y a pas longtemps, où justement, en fait, il se fait, pendant qu'il est pilote, mais pour la République, parce qu'avant de traverser l'instant, c'était la République, et du coup, en gros, il se fait sauver par Holdo. Mais il ne sait pas que c'est elle, en fait. Ouais. Et elle est dans son vaisseau, en gros, elle fait partie de la Résistance, et il vole des plans à la République, ou je ne sais plus quoi. Et donc, lui, il essaie d'aller récupérer ses plans, et en fait, il se retrouve en danger, et donc elle finit par le sauver, puis elle se barre de son côté, quoi. C'est comme de la poésie, ça rime. Un peu. Ensuite, donc, on retrouve Finn qui se barre. c'est ce qu'il fait, Finn, en fait. Il ment et il fuit. On l'a vu dans l'épisode 7 qu'il arrivait à surmonter ça pour une personne, Rey. Et maintenant, il faut qu'il arrive à ouvrir ses yeux sur un monde plus vaste. Ouais. Ses motivations sont bonnes. Hein. Je veux dire, il veut vraiment aller sauver Rey. Mais il va rencontrer qui ça son ange gardien. Ouais, il va rencontrer qui Adrien probablement la meilleure personne de la galaxie, Rose. Okay. Le meilleur personnage donc. Meilleur personnage de tout Star Wars confondu, film, série, BD depuis la création de Star Wars. Et wow. Je suis sérieux parce que non mais je vois ça, j'adore ce personnage, voilà. Oui, d'ailleurs, c'est... Mais on n'a toujours pas dit son nom. Si, Rose. Ah. Il l'a dit. Rose Pardon, Tico, la sœur de Paige. Vous vous en souvenez, on en a parlé il y a 2 heures. C'était il y a si longtemps déjà. D'ailleurs, je vais le dire maintenant, plutôt qu'attendre, mais donc dans le commentaire audio, Ryan dit que donc dans le développement de Finn, il a maintenant une cause personnelle pour laquelle lutter, donc c'est Rey. Et en fait, son chemin, comme tu disais, Grushkov, c'est de comprendre qu'il peut y avoir une cause universelle et que ça vaut le coup de se battre pour le bien. Et pas forcément se battre au sens littéral, mais d'agir pour le bien. Et dans cette quête, il rencontre donc Rose. Et Ryan dit que Rose, c'est comme, tu sais, souvent dans les dessins animés ou les trucs comme ça, ton petit toit en forme d'ange qui est posé sur ton épaule. Et il dit, Rose, elle est ça pour Finn. Et DJ, lui, c'est le petit diable qu'il y a sur l'autre épaule. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les cartoons, les trucs comme ça. Oui, oui. Et ben, c'est ça dans tout le chemin de Finn. Tu as Rose qui va essayer de lui dire, on peut essayer de vrai pour le bien de tous. Et t'as DJ qui va lui dire ça sert à rien de toute façon, autant faire chacun pour sa peau parce que de toute façon il y a toujours le mal, etc. Et ça va être du coup le petit diable et le petit ange qui vont l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est la même chose. Ah mais si, c'est ça, c'est un centriste. Il y a ça, ouais. DJ disait qu'il est un centriste. Oui. Mais après, c'est vrai qu'il est vraiment génial, ce personnage. Et j'adore la manière dont elle est super fière de dire « Hey, j'ai tasé 3 personnes qui essayaient de s'échapper. » Ça m'a beaucoup fait rire. My queen. Non, mais elle est géniale. Au tout début, avant qu'il ait vraiment une idée de ce qu'il allait faire de Rose, il l'avait écrit plus comme un personnage un peu cynique, un peu bourru. Et puis après, quand il a vu l'actrice et l'énergie positive qu'elle avait et tout, et ben, il en a décidé de faire ce petit ange gardien qui est plein d'espoir et qui est super en train de, tu sais, fangirler devant son héros, genre « Oh, mais je suis trop contente de te rencontrer !» Et justement... désolé. En mode « Ah ouais, non, en fait, t'es pas un héros. » Ouais, c'est ça, justement, en fait, c'est que je trouve que dans cette trilogie, il y a vraiment, enfin, en tout cas pour les 2 premiers films, il y a vraiment cette idée de déconstruire les héros, déconstruire les mythes, et en l'occurrence, ben, Rose, c'est la première chose qu'elle fait. Elle arrive, elle dit « Oh, ah, c'est toi, Finn, le héros de la résistance !» Et après, elle se rend compte que, ben non, c'est juste un mec normal. Ouais. Et un lâche en plus de ça. C'est ce que je disais, en plus, tout le film, il te fait ça, il déconstruit les héros et il déconstruit tous les tropes de « Tu vas chercher un gars et il n'y a qu'un seul gars qui peut sauver toute la galaxie. » Tu sais, il te fait comprendre que c'est un travail collectif et... Mais Rian Johnson déconstruit tout, hein, vraiment, dans tous ses films. Il déconstruit et la forme et le fond des films. Et c'est, je pense, ce qui fait que ça fait de lui un réalisateur incroyable, quoi. Ouais. Mais il déconstruit, mais il détruit pas. Oui, oui fait, c'est ça. Il déconstruit c'est ça. Pour passer tout à la loupe, en fait. Voilà, et c'est ça. Et peut-être que c'est pour ça les gros plans, en fait. Ximnet. Ah! Ouais, non, c'est vrai que les gros plans dans toute cette idée de ramener l'histoire à un niveau plus personnel plutôt que des grandes batailles où on sait pas trop où les gens qui meurent, oui, ça a du sens. Mais c'est vrai que moi, ça peut être un peu moins plus qu'à vous. Ouais, moi, j'adore quand il fait « May the force be with you ». Waouh. Trop drôle. Ils sont vraiment trop mignons. Mm-hmm. Mais bon, ça n'empêche pas de se faire taser. Ouais, et c'est là où tu vois à quel point elle est intègre, Rose. Ouais, ouais. Elle vient rencontrer son héros et elle se rend compte qu'en fait, il est en train de faire quelque chose qu'elle considère pas bien, hein, déserter. Et du coup, je suis obligée, hein, faut que je le ramène. À la cour martiale avec. Ouais, avec c'est Pau. Ça. Ouais. Exécuté. Fille. Oh là là, quel exercice difficile d'arriver à parler en moins de 2 minutes d'une scène ou d'un thème de film qui m'a le plus marqué dans The Last Jedi. Eh ben, je vais tricher parce que j'ai jamais pu choisir entre le fromage et le dessert, et je vais dire que ce qui m'a vraiment le plus plu du film, c'est le concept du Force Bond et comment c'est mis en scène sur les 5 Force Bond. Donc ouais, je sais, c'est trop de la triche, mais pourquoi est-ce que j'arriverai à choisir entre le Force Bond 2, où je suis complètement tombée amoureuse de ce couple et de la dynamique, le moment où on a Kylo à poil dans le Force Bond 3, le Force Bond 4 où ils sont en train de tenir les mains, et puis le dernier, alors qu'il est à genoux à la regarder partir, c'est impossible de choisir. Donc vraiment la mise en scène de ça, comment ça marche super bien, le travail qui est fait sur la bande-son, comment on arrive à croire qu'ils sont complètement dans la même pièce alors qu'ils le sont pas du tout, bien que c'est vrai qu'en amont on sait qu'ils ont tout préparé pour que les acteurs jouent ensemble et donc tournent deux fois la même scène l'un face à l'autre, donc c'est vrai que ça marche super bien et moi j'ai tellement aimé que j'espère qu'on en gardera un petit quelque chose, parce que en termes de connexion, de communication, c'était vraiment le top. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire, mais j'ai adoré. Rey se réveille, Kylo est en train de se faire remettre son recoudre son bobo. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le petit droïde qui lui fait les tous les trucs là en bougeant super vite? Et ben c'est un effet pratique. Il y a vraiment un truc qui bougeait super vite comme ça. Je trouve ça trop. C'est assez ouf. Son truc. Ouais. D'ailleurs, très intéressant, elle est réveillée parce qu'elle a la lumière du côté droit du visage, et lui, il est en train de se faire éclairer le côté droit du visage par le droïde. Et c'est rigolo parce qu'ils sont connectés. Et ce qui est très intéressant, c'est que t'as la musique qui monte, et là, t'entends juste leur respiration. Tu vois qu'ils se voient, et elle lui tire dessus. Et à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est toujours elle qui atteint qu'en premier. C'est pour ça les gens qui disaient il est méchant avec elle. Non, il l'a jamais attaqué, il se défend. D'ailleurs, je maintiens que dans The Force Awakens, s'il avait voulu la tuer, il l'aurait fait. Je pense qu'il l'aurait pu. C'était pas le but, il a oui, trouvé quelqu'un qui lui ressemble. Et... Bien sûr. Elle est intéressante, tu peux peut-être. Il lui dit je veux t'apprendre des trucs. Sinon, il aurait pu la pousser dans le vide et voilà, t'es morte. Oui, c'est ça. Et c'est elle qui veut le tuer tout le temps. Ouais. Puisqu'elle ne le connaît pas encore. Pauvre bébé. Tout le monde veut le buter. Mais là, par contre, ouais, non, gros travail de mise en scène, ces scènes alternées, ça marche tellement bien, c'est quand même assez ouf. Surtout qu'ils ont tourné deux fois chaque scène, du coup. Une fois dans l'endroit où était Kylo, une fois dans l'endroit, et ils étaient tous les deux là à chaque fois, les acteurs. Ouais, bah c'est logique quelque part, ouais. Mais c'est vrai que ça aurait pu être relou, ça aurait pu être bancal, voilà. Là, pour le coup, franchement, ça marche. J'adore parce que c'était pas forcément un truc qu'on avait vu dans l'épisode 7, mais il y avait plein de gens, dont moi, qui trouvaient, qui pensaient que c'était une espèce de geek, de nerd de la force. Et dans cette scène-là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a elle qui l'attaque et puis il fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça marche, ton truc? Attends deux secondes, arrête de t'énerver et dis-moi, est-ce que tu vois que moi? Est-ce que tu peux voir les trucs autour de moi? Il veut impressionner sa chérie en mode l'intello, tu vois, genre... T'as vu, je connais plein de trucs. Ouais, bon, c'est pas toi, je pense que l'effort pour faire un truc pareil, ça te tuerait, donc c'est pas toi qui fais ça. Ah oui, tout à fait. Ouais, il essaye vraiment de faire, t'as vu, je suis trop cool, je sais faire plein de trucs. Ouais, c'est ça. Il a une... Je saurais pas expliquer comment, pourquoi, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est content de la revoir, mais il a vraiment une... on dirait que c'est presque pas la même personne à ce moment-là, Kylo. Je pense que c'est candide pour une fois. Ouais. Je pense aussi que c'est parce que c'est un gros kick de la force, il se passe un truc qu'il n'avait jamais vu. Genre, trop cool. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Et en plus, il est choqué au début qu'elle lui ait tiré dessus. Genre, Mais je pense qu'il a surtout peur, en fait, avec le tir d'arbalète qu'il s'est pris dans 3 jours avant, en fait. Il se dit, oula, ça fait mal, quand même, ces conneries. Et en plus, plus ils ont leur connexion, plus elle devient solide, physiquement. C'est-à-dire que là, au début, ils peuvent juste se voir, mais ils peuvent pas se toucher, sinon elle l'aurait buté, hein. Ouais. Du coup, le mec, il a... Oui, ouais, c'est vrai. T'imagines, elle lui tirerait maintenant, avec la connexion qu'ils ont, elle lui tirerait dessus. C'est un peu plus tard qu'elle aimerait bien qu'il soit solide physiquement. Quand elle lui touche les mains, elle s'attendait à oh, c'est bon, ça y est, et puis t'as vieux boomer là. J'ai envie de le tuer d'ailleurs, Luc, dans cet extrait. Il m'énerve. À les interrompre. Mais oui, t'avais envie que ça aille plus loin. C'est... Non, le vieux à chaque fois qui emmerde les ados. D'ailleurs, c'est rigolo ça aussi, hein, le fait que ce soit la phase d'adolescente, ce film-là, parce que c'est ça, t'as les deux. Qui se chamaillait avant, qui commence à s'intéresser l'un à l'autre. Alors elle, pour le coup, elle a raison, elle est toujours très agressive envers lui. Mais un truc très intéressant, c'est qu'elle le dit pas à Luc. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit pas? J'ai pas suivi. La première connexion, elle dit pas à Luc. Putain, il y avait Kylo. Ah oui, oui, ça, oui, tout à fait. Elle le garde pour elle. Donc c'est parce qu'elle est curieuse, elle veut voir où ça va aller. Donc et on arrive dans le temple, entre guillemets, ça ressemble pas à un temple, ça ressemble plus à une grotte avec le premier Jedi qui ressemble beaucoup au yin et au yang. D'ailleurs, c'est rigolo qu'elle aille le voir directement ça. Oui, on dirait deux personnes, deux moitiés. Ouais. Salut à toutes et à tous, c'est République Capitaine à bord du podcast Star Wars Outrider. Alors, The Last Jedi, c'est un film qui est bourré de scènes marquantes, et pourtant, celle qui m'est venue directement à l'esprit en réfléchissant à cet exercice, elle est particulièrement minimaliste, puisqu'il s'agit en fait de la première leçon de Rey. Elle n'a l'air de rien comme ça, mais à mon humble avis, elle incarne à merveille tout le génie dont Rian Johnson a fait preuve dans le film. Il y a tout d'abord cette utilisation géniale de Mark Hamill, le réalisateur joue vraiment avec les forces de l'acteur, son côté taquin notamment, et ça fonctionne à merveille, j'en ai pour preuve le coup de la feuille. Ensuite, on embraye sur quelque chose de plus personnel, puisque Johnson, à travers Luke justement, nous donne sa vision de la force. Alors on a le droit de ne pas être d'accord, mais moi je la trouve particulièrement belle, parce qu'elle est bien plus ancrée dans le vivant que dans quelque chose de mystique ou de religieux par exemple. Enfin, il y a le fait que tout ça soit écrit au service de l'histoire. Le film compte sur son casting et les idées de Rian Johnson, certes, mais il le fait pour mieux construire les nouveaux personnages de la post-logie. C'est aussi à ce moment-là que Rey est intrigué par sa part d'ombre, du coup. Pour toutes ces raisons, et surtout parce que la force n'est pas qu'une vulgaire petite feuille ou un morceau de plante, j'aime beaucoup cette scène et j'aime beaucoup The Last Jedi. Voilà, que la force soit avec vous, et des bisous. Ça, c'est beaucoup mieux. Et j'ai oublié d'arrêter l'enregistrement, donc si vous écoutez ça, c'est rigolo. Il y a Luke qui lui demande alors qu'est-ce que c'est la force. Et du coup, Rey, en bonne fangirl de la trilogie originale, ouais, bah ça sert à soulever des cailloux. Le truc que faisaient les Jedi qui était trop cool. Netflix float, elle m'énerve. J'ai vu les films et c'est vachement bien la force. Hein. Ouais, c'est ça. C'est trop mignon. Et du coup, amazing. Tout ce que tu as dit, tous les mots de cette phrase étaient faux. C'est bon. Et du coup, il lui explique ce que c'est. Puis j'adore le côté. J'ai pas compris. J'adore la manière dont tu le dis. Mais c'est quoi la force? La force, c'est ça. Ok. Mais c'est quoi? Putain, viens t'asseoir. Elle dit, voilà, il dit qu'est-ce que la force? Il dit, c'est ça. Et elle a eu 20 sur 20. Mais on a le droit encore des petites blagues qui sont, moi, je les trouve géniales parce que ça rajoute le côté, ça rajoute un côté sympathique à Luke. Ouais. Moi, je trouve que ça fait un peu écho à la façon dont Yoda jouait un peu avec lui au début en faisant un peu la créature innocente. Carrément d'accord. Parce que Luke l'a très mal vécu à l'époque. Et je pense qu'à ce moment-là, il doit penser à ça en se disant je vais faire mon Yoda, je vais lui faire une blague, on va rigoler. Et surtout, il se moque d'elle parce que déjà, elle lui dit je comprends pas ce que c'est la force. Il dit bon. Et puis, elle est genre je tends la main et puis je vais voir ce qui se passe. Du coup, le gars, il fait oh non, c'est vraiment un bébé. Et du coup, il se moque d'elle affectueusement et c'est mignon. Oui. Puis moi, j'ai bien aimé cette séquence parce que ça faisait super longtemps, j'ai l'impression, presque depuis l'épisode 1. Ouais. Pas dans le sens l'ordre chronologique des films, mais plutôt l'ordre de sortie des films. Ça va être presque depuis l'épisode 1 qu'on n'avait pas vraiment discuté de la nature de la force. Ouais. J'ai trouvé ça bien qu'on retourne un petit peu aux bases. Oui. C'est cool. En plus, ça ancre. Cette fois-ci, ça ancre parce qu'il y a des inserts pendant cette séquence-là, ce qu'il n'y avait jamais eu avant dans Star Wars, d'ailleurs. Pas vraiment d'inserts de plans pour illustrer le ressenti de la force. Du coup, ça aide encore plus facilement à visualiser tout ce dont les gens sont... Mm-hmm. Tu sais, tout ce à quoi ils sont connectés, en fait. Ils sont vraiment connectés à tout. Ouais. C'est avec ces inserts que je me suis dit... Ok, là on est dans un film différent, là ça nous montre un autre point de vue, là on est dans un Star Wars qui est foncièrement différent des autres de ce qu'on a pu voir avant. Quoi. Ouais, et puis ça, surtout ça fait comme tu disais, ça fait un rappel aux gens et ça repose le contexte. Et en plus, ça, c'est une bonne explication de pourquoi la guerre c'est pas bien. Bizarrement, hein, les Jedi qui se mettent à buter tout le monde c'est pas bien parce que ils utilisent pas la force comme elle. Enfin, elle ne devrait pas être utilisée, la force. D'ailleurs, dans la novélisation, ils expliquent que la force, elle fait agir les choses d'une certaine façon. Si Rey, à la fin, ne tue pas Kylo Ren quand ils sont tous les deux dans la salle du trône et que lui, il est évanoui, c'est parce qu'elle sent que c'est pas ce que la force veut à ce moment-là. Et que la force a d'autres raisons de le laisser en vie. Et du coup, elle fait « Ok, c'est pas à moi de le faire ». Et puis ça remet un petit peu les pendules à l'heure par rapport à certains trucs. On était vraiment... Rey, à ce moment-là, c'est un peu nous tous. Enfin, nous tous, ouais. Je parle. Oui, pas oui. Que des gens du podcast, les gens en général. On avait tous un peu cette impression que la force, finalement, c'était juste un outil. Un peu la manière dont on avait décrit ça quand on avait parlé de l'épisode sur Rogue One. C'est, alors que finalement, c'est qu'une des nombreuses versions, aspects de la force. Donc, c'était bien. C'est bien de remettre un peu les choses à plat, de dire que la force, c'était pas juste un outil de guerre, comme tu disais justement, Tuki. Et oui, et c'est ce que Grushkov disait pour TFA, c'est Rey, elle représente les fans de Star Wars. Quand Finn arrive et qu'il parle de Luke Skywalker, Rey, elle est genre, waouh, le Luke Skywalker, genre le Jedi légendaire et tout. Elle a grandi avec les histoires de la trilogie originale et les histoires qui se font du bouche à oreille. Donc elle a pas le contexte, le point de vue interne comme montré dans le film. Elle a l'histoire comme elle a été racontée. Ouais. Donc elle a l'image du héros Jedi qui lui a des pouvoirs magiques et ce genre de trucs. C'est pour ça qu'elle a aucune idée de ce qu'est vraiment la force. Elle a ressenti qu'elle avait un truc avec la force. Elle a vu qu'on pouvait s'en servir. Mais quand elle rencontre Luke et qu'il lui explique pas, elle a pas la notion que c'est plutôt la force qui agit sur les choses et que tu peux un peu la manipuler, mais que ça peut faire de la merde. Hein. La manipule pas, bon escient. Donc oui, Rey, c'est une fan. C'est une fan de Luke et de Han. D'ailleurs, c'est très drôle qu'elle soit fan de Han parce que c'était un smuggler et pas parce que c'était un résistant. Juste après cette cette leçon, du coup, il y a la première et la seconde connexion. D'ailleurs, on a des porcs qui mangent le Faucon Millenium. Oh, trop mignon aussi. On apprend que Luke est déconnecté de la force aussi. Ah oui, pardon. Mais c'est vrai, quand même, comme on en a parlé. Pourquoi il a parce qu'il n'y a plus de réseau. C'est ça, il n'y a plus de... Là, ça ne capte pas ici. Et du coup, voilà, il y a la seconde connexion. Cette fois-ci, elle ne l'attaque pas, mais elle l'insulte. un truc que j'ai noté, justement, qui est assez intéressant, et ça, ce que je vais dire, il faudrait peut-être revoir le film pour le voir. Dès l'opening crawl, justement, peut-être que des fois, il faut lire ce qu'il y a écrit dedans, ça peut être intéressant. Ça parle directement de l'étincelle de l'espoir. Mm-hmm. Et tout au long du film, il y a des étincelles à plusieurs moments. On va pas compter les explosions et trucs comme ça, mais vraiment les étincelles. Et je crois que c'est là le premier moment où on en voit. Et c'est quand le plan où Kylo est de dos dans une salle complètement vide. Qu'est-ce qu'il fout? Je ne sais pas. Devant une grande baie vitrée. Et il se huile. Voilà ce qu'il fait. De quoi? Il se huile. Mais non, il est encore habillé là. Ah non, c'est pas la merde. Et ben là, il y a des étincelles à côté de lui qui tombent. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du film, donc il y a que à chaque fois qu'il y a des étincelles, c'est lié à lui. Hmm. Intéressant. Ah ouais, c'est complètement le genre de détail à côté duquel je passe complètement. Je suis vraiment. C'est comme si en fait c'était un gentil depuis le début. C'est fou. Hein. Quand il s'est enfin débarrassé du truc qui le retenait vraiment du côté obscur avant qu'il fasse l'idiotie de se dire ah, je vais devenir Supreme Leader. Quand il s'est enfin débarrassé de Snoke, quand il a rejoint Rey pour aider Rey et qu'il a agi comme quelqu'un de bien et comme le Jedi qu'il était censé être. Plus des étincelles. Il y a une pluie d'étincelles tout autour d'eux. C'est littéralement que ça, c'est une pluie d'étincelles. Ah ouais, j'avais l'œil. Vraiment, faut revoir un petit peu quelques scènes comme ça. Il y a beaucoup de symbolique comme ça qui est très très chouette. Du coup, voilà. Juste au moment où il y a ces connexions-là, on a les étincelles qui tombent. Rey qui, elle le traite de serpent meurtrier. Rian Johnson n'aime pas les serpents parce que les deux fois où ça parle de serpent dans le film, c'est utilisé comme une insulte. Ah. Et d'ailleurs, si on reprend ce qu'on avait lancé avec les Lucasfilm sur le set par rapport à La Belle et la Bête, on a quand même La Belle qui lui dit que c'est un monstre et lui qui fait ouais. Ah oui, non mais c'est affreux cette séquence. Hein. Moi, tout à l'heure, elle m'a fait presque chialer. Hein. Oui, c'est triste. Et c'est là où Rey, elle est genre choquée parce qu'elle dit... Oui, mais je pense qu'elle le regrette. Hein. Tu sais. Elle le regarde, ouais. Elle fait... Mais attends, mais ce que tu dis, ça matche pas du tout avec la tête que tu fais, en fait. Ouais. Et puis tu sais, ouais, l'impression qu'elle a envie de lui répondre, mais non, t'es pas un monstre. Attends, oui, c'est ça, elle s'en veut, je pense. Elle s'en veut automatiquement. Elle le traite de serpent et de monstre, et après, elle se dit... Bon, sur son visage, on voit bien, elle se dit... Merde, j'ai peut-être été un peu trop loin. Ouais. Alors qu'il a tué Han Solo. Ouais, mais c'est un bébé, il a rien fait de mal. C'est pas à lui, hein, pas à elle. Ouais, j'avoue, il a le droit. Mais ah non, c'est plus tard qu'il lui dit qu'elle recherche toujours des figures paternelles et qu'elle. Ouais, c'est celle d'après. C'est plus tard, ouais. Ok, ouais. Pour l'instant, parce que quelque part, c'est toujours en conflit. Ouais. Lui, il est toujours dans l'observation. Ouais. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, un truc qu'il avait pas, qu'il fait, c'est qu'il continue de se rapprocher d'elle à chaque fois. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus près dans les. Elle est à chaque fois, elle est. Immobile, ouais, c'est rigolo. À chaque fois, c'est lui qui se rapproche jusqu'à la dernière connexion. Où, au final, ben, c'est pas lui qui se rapproche. Et dans l'ascenseur aussi, c'est pas lui qui se rapproche. Eh oui. Après, mais là, c'est là encore après. Ils sont physiquement côte à côte là. Oui, ouais, non, bien sûr, mais c'est le prolongement en fait. Ils sont de plus en plus proches. Putain, je suis nul en symbolisme. J'ai besoin d'une aide en symbolisme moi. Oh là là, vous êtes trop fort. Mais on est là pour ça. Hein. Ah merci. Heureusement qu'il y a le podcast. Du coup, pendant ce temps-là, il y a Po qui fait le con et qui. J'adore comment le mec il tient la main de Leia et tu sais, t'as l'impression qu'il dit c'est pour toi que je fais ça et il fait tous les trucs pour lesquels il lui aurait foutu une fessée déculottée devant. Je vais juste enfin. Ajouter, du coup une anecdote là-dessus qui m'a fait trop rire, c'est que dans le commentaire audio, Rian dit quand il lui tient la main, après il y a un plan vers lui où on voit Finn et C3PO en arrière-plan, Et en fait, ils trouvaient que le cadrage le faisait pas, qu'ils avaient l'air trop petits dans le plan, et du coup, il leur a fait monter sur des cajous de pommes. Et il fait, si vous regardez bien, et ben, ils ont presque la tête qui touche le plafond parce que je les ai foutus sur des cajous de pommes. Et du coup, vous le remarquez pas dans le film. Mais maintenant, vous le remarquez parce que bah, je vous l'ai dit. Voilà. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec des cajous de pommes? Ils avaient très faim. Il leur a fait grimper sur des boîtes. Voilà. On vous voit mieux là dans le J'aurais bien aimé voir ça, tiens. J'ai hâte de voir le making-of. On le voit pas dans le making-of, mais dans le commentaire audio, il le dit et c'est très drôle. Voilà. Et du coup, ouais, avec un petit climat. Non, parce que c'est 3PO qui fait. Je suis pas sûr qu'elle approuverait. Et puis l'autre, il fait ouais, t'as raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va pas lui dire. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Il est très drôle dans cette scène-là encore. Dans tout le film, il est toujours au milieu des trucs, genre non, je voulais pas ça, moi. Dans cette scène, il y a l'autre gros truc qui m'a embêté dans le film, c'est le coup de fil à Maz. qui est en mode caméo. J'ai vraiment du mal à voir l'intérêt de l'avoir intégré à ce moment-là, autre que pour justement la. Enfin, je veux dire, ils auraient. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, j'ai l'impression, à ce moment-là. Qui leur file l'adresse du code breaker. J'ai pas la traduction pour la version française. Je sais pas non plus. Moi non plus. Le truc, Ryan, il expliquait que Maz, elle était sur le vaisseau, normalement. Ouais. Elle était là avec tout le monde. Et qu'en fait, plus il écrivait et tout, plus il lui donnait de l'importance et plus elle faisait plein de choses. Et du coup, le personnage de Maz, il l'adore et elle était très très présente et il s'est rendu compte qu'en fait, toute l'importance qu'elle avait et toutes les choses qu'elle faisait, il pouvait décharger, alléger un peu le film en le faisant faire par les personnages principaux. Et du coup, ça s'est retrouvé avec ce truc-là. Et moi, j'aime bien ce petit aparté très drôle. Et justement, il voulait aussi que ce soit un peu humoristique, le truc du jetpack. C'est quand ils étaient en train de monter la scène et tout. Ça se finissait normalement. Et puis Ryan, il fait « Et si elle se barrait avec un jetpack ?» Et puis les gens, ils se sont mis à se marrer. Il fait « Ouais, allez, faites-le. » en fait, c'est tout à fait l'impression que j'ai eue en regardant la scène. Je me suis dit, on dirait que c'est pas vraiment fait pour être là. Ça ressemblait à un truc qui a été décidé un peu sur le tard. Donc, j'étais vraiment... j'étais un peu étonné par ce choix par rapport à tout le reste qui se tient vraiment très très bien. Ça, ça m'a... Le parallèle qui m'est venu tout de suite, ça me faisait penser à ce vieux épisode de Pokémon où t'as Sacha qui rencontre des gens au cours de son aventure et puis il a des péripéties et donc il appelle ses vieux potes qu'il a rencontrés dans les épisodes précédents pour lui demander hey, comment je fais pour ça. Donc j'étais vraiment étonné par ça. Je pense que c'est le moyen qu'il a trouvé pour l'avoir quand même, pour qu'elle apporte quand même une certaine importance. Hein. C'est elle qui leur dit que ouais, ça peut réussir votre mission, mais du coup il a essayé de faire ça de façon rigolote, de façon qui justifierait le fait qu'elle n'était pas avec eux aussi. Elle est très drôle dans cette scène, je trouve. Oui. Quand elle parle du codebreaker, il y a une petite référence en tout cas à son visage qui fait signe que quand même elle aime bien déconner quoi. Elle aime bien déconner. Il y a un putain de sous-entendu sexuel qui. Oui voilà c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Et du coup j'aime beaucoup, mais du coup je suis un peu frustré, un peu comme toi 10 minutes peut-être, parce que je me dis quand même que Lupita Nyong'o elle aurait mérité d'être plus dans le film. Ouais, ça rend pas trop hommage au personnage qui était vachement bien. C'est dommage. Il a dû pas réussir à trouver comment. Il a fait ce qu'il a pu. L'intégrer. Voilà. Je trouvais que c'était assez rigolo comme justification. Ouais attendez les mecs, j'ai un problème de syndicat, on se revoit plus tard. Ouais. Ah, salaud de patron. On aura leur peau. Et donc après, justement, elle leur dit, voilà, il vous faut trouver le mec avec la rose, là, la rose sur le costume, c'est lui dont vous avez besoin. Et du coup, ils vont sur Cantobite, Finn et Rose, et c'est là que Finn apprend le vrai mal de l'univers, le capitalisme. Ah oui, j'ai bien aimé le parallèle de la réplique. Avec ce que disait avec ce que disait Obi-Wan quand ils vont à Mos Eisley. Oui, j'adore ce truc-là. Le scamène vilainité. Et en fait, cette fois-ci, c'est les riches sur leur yacht. Là. Ça, à chaque fois, moi, je meurs. Je meurs de rien. Obi-Wan qui était tellement guindé. Ah, le bas peuple. Ouais, la populace. C'était un riche, hein, Obi-Wan. Avec Cantobite qui est vraiment un très beau truc avec des super prouesses techniques, la caméra qui se déplace vraiment partout entre les gens, qui fait vraiment le travelling et qui passe entre les gens, qui était vraiment là. Quoi. Apparemment, ce travelling, c'était un hommage à un vieux film, et j'ai pas réussi à retrouver le nom du film. Ouais, oui, il le dit, mais je me souviens plus non plus. À chaque fois, je suis genre, ah, c'est quoi ce film? Une fois, Rian Johnson avait mis en gif ce film-là. Oui, voilà. C'est exactement ce à quoi je pensais. J'ai essayé de retrouver le tweet, mais j'ai pas trouvé. Je me souviens plus ce que c'était. Avec les super trucs où ils t'introduisent là, les gens qui ont des têtes holographiques. Et c'est vrai que... alors là, pour le coup, on arrive en fait dans le truc que je ne comprends pas en fait pourquoi les gens détestent à ce point cette séquence-là. Ouais, donc si c'est quelqu'un affreux, pareil, ouais. Pas... Je comprends pas comment ils peuvent ne pas aimer. Quant au bait, c'est quand même là où il y a un des plus gros messages politiques du film. De la saga. C'est peut-être ça aussi. Ouais, oui, de la saga. Ça te trache le capitalisme, ça t'explique comment ça marche les dessous de la guerre, et comment les gens se deviennent riches. Hein, c'est pas... Oui. Ça te met en plus, ça te rajoute du contexte sur l'oppression, mais c'est pas forcément le... l'Empire ou le Premier Ordre, hein, ça vient d'autres trucs en plus. Ça vient des bourgeois et du capitalisme, putain. Le plaisir des uns fait le malheur des autres. Il y a de l'action, ça bouge, il y a du lore, il y a des créatures, il y a des extraterrestres. Il y a une séquence qui est super cool pour les enfants, hein, la course des phasers qui s'échappent dans la ville et tout. À chaque fois que je le vois, ça, je me dis ça. C'est vraiment un truc pour les enfants, la course sur les animaux, là. Que le film est très lourd, hein. Le film est super. Enfin, je veux dire, la résistance, ils s'en prennent plein la gueule. Et à chaque fois que tu crois que c'est fini, ça y est, ça recommence, ils se refont poutrer. Je veux dire, ils ont jamais de répit. Et justement, quand on bête, ça permet de souffler. Ça te fait un espèce, c'est censé te faire un espèce de bol d'air dans tout ce truc, super malheureux. Et tu dis, waouh, c'est un endroit où les gens sont heureux. Et tu te rends compte qu'ils sont heureux parce qu'ils profitent du malheur de tous les autres. Donc il y a quand même le truc derrière, et ça sert pas à rien, ça t'introduit DJ, qui justement montre le côté cynique de beaucoup de gens, de ça sert à rien de faire attention à l'écologie, de toute façon les autres ils le font pas, ça sert à rien de se battre pour les grandes causes, parce que de toute façon les gens qui font du mal, ils ont plus de moyens, et ça sert à rien de ceci, ça. Et t'as justement tout, ça te montre plein d'aspects des luttes. Dans les luttes, t'as pas que des gens qui sont... super convaincu, t'as des gens comme Philippe qui doutent, qui savent pas si ça vaut le coup de se battre ou s'il vaut mieux sauver sa peau, et t'as des gens comme DJ qui sont très cyniques, de toute façon on meurt tous à la fin, autant profiter de ta vie, quoi. T'as un énorme débat moral dans ce truc là, t'as du contexte, t'as du lore, t'as plein de trucs à apporter. Non, c'est intéressant ce que tu disais, Tuki, là, sur justement les différentes les différents points de vue sur une même question. D'un côté, voilà, comment il s'appelle, ce que tu disais à TJ, qui dit, il y a des méchants, tout le monde est méchant, donc autant en profiter, et plutôt Rose qui va dire, il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. Et Canto Bight, c'est aussi, la scène de Canto Bight, c'est aussi c'est un peu le négatif de ce qui se passe en ce moment sur le vaisseau de la résistance, parce que je vais essayer d'organiser mes propres idées, parce que c'est un truc que je m'a pas forcément sauté aux yeux en voyant le film, c'est en vous écoutant que j'y pensais. D'un côté, on a la guerre entre la résistance, la bataille entre la résistance et le Premier Ordre, et de l'autre côté, on a cette planète qui illustre cette relation, et plutôt les gens qui profitent de cet aspect-là. C'est la même scène vue de points de vue différents. Enfin, l'une qui est la conséquence de l'autre, en fait, voilà. Les gens qui profitent du conflit qui est en train de se passer dans l'espace. Ouais, et en plus, il y a le côté, la résistance, à ce moment-là, elle est en train d'être divisée par ceux qui sont très loyaux, qui se disent, OK, on écoute la chef, ceux qui veulent faire leur truc dans leur coin, ceux qui savent pas ce qui se passe, ceux qui veulent s'enfuir, etc. Et de l'autre côté, t'as tous ces gens qui sont unis parce que, eux, ils profitent des autres, et comme tu disais, eux ils sont loin de tout et ils s'en foutent, ils sont dans leur richesse, ils sont pas impactés, ils sont dans leur jacuzzi. Et puis leur seul problème, c'est ils sont garés sur la plage, c'est chiant, tu vois. Ouais, c'est vrai, et ça se trouve ils sont même pas conscients qu'actuellement il y a une guerre qui est en train de se passer au-dessus de leur tête, parce que ouais, c'est ça. Enfin, tu sais, les autres, ils vendent leurs armes, ils s'en foutent de savoir ce qu'il y a après. C'est marrant quand même, on dirait quand même les situations qu'on vit, enfin, dans notre monde à nous, quoi. C'est fou. Ah, comme un peu les hommes et femmes politiques totalement déconnectés de la réalité, tu veux dire. On dirait que c'est un film politique, c'est étonnant. C'est ouf, on dirait qu'il y a des messages dans Star Wars. Attendez, je croyais que vous voulez juste faire de l'argent et s'occuper pas du reste. Oh, d'ailleurs, c'est merveilleux parce que les gens qui disaient eux, ils ont fait la bague de rose juste pour pouvoir vendre des trucs. Moi, je l'attends toujours, la bague de rose, hein. J'aimerais bien l'acheter. Mais ah, le truc qui s'ouvre, pareil. Voilà. Ouais, avec, oui. C'est trop cool. Ils l'ont pas fait. Non, ils l'ont pas fait. Bon. Peut-être sur Etsy, des gens c'est qui ont fait des... C'est sûr qu'elle est pas Galaxy's Edge. Justement, et je l'ai pas vu, j'ai entendu personne en parler. Je pense que les gens en auraient parlé si elle y était. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'elle y sera. Mais oui, sur Etsy, il y en a plein, mais c'est pas la vraie. C'est pas l'officiel qui coûte une blinde. Bon, je suis sûr que c'est Rose qui l'a fait elle-même parce que voilà, elle a l'air d'être le genre de meuf qui crée des trucs comme ça. Je suis sûr qu'elle l'a fait elle-même. Donc c'est la bague sur Etsy, c'est aussi bien que la vraie. Un autre truc dont on n'a pas parlé et que j'adore sur Cantobite, c'est BB-8. J'allais y venir justement. Remplir de pièces et tout. Et du coup, quand il roule, t'entends le. Les mecs, ils le balancent dehors et t'entends des pièces. Il y a aussi un autre truc important sur Cantobite, c'est le fait de juger les gens sur leur apparence. C'est-à-dire que Finn, il arrive, tout ce qui est joli et rutilant, il est émerveillé. Mais quand il voit DJ, c'est un crassou en tôle, dégueulasse. Et mais Rose, elle a même ce biais-là aussi, parce qu'elle, elle sait comment sont les gens. Du coup, elle les voit de base, elle les aime pas parce qu'elle sait ce qu'ils font. Mais elle a quand même un préjugé face à DJ. Genre, bon, après, quand tu te retrouves dans une cellule avec quelqu'un mal sapé et tout, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas. Enfin, tu sais pas pourquoi il y est, mais il a juste l'air d'un gars bourré, tu sais. Et il y a quand même tout cet aspect. T'es dans en tôle et t'as des trous dans tes chaussettes. Tu vas me dire que tu sais faire un truc de Master Codebreaker qui a les cheveux laqués, qui est super doué au jeu de hasard et qui a sa petite red plant bloom. Mais du coup, c'est. Puis ça fait un autre parallèle avec l'épisode 5 et Yoda et Luke qui le prend pour un taré. Oui, oui. C'est peut-être moins marquant, mais il y a de ça. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de ça aussi dans l'épisode 5 aussi, avec Lando qui voit. Enfin, même n'importe quel personnage qui voit Leia et qui dit oh, ok, c'est la princesse en détresse. Et Leia, elle est genre bougez votre cul, je vais vous sauver parce que vous êtes vraiment nul. Et puis moi, rien que pour la phrase Snoke's boudoir, le boudoir de Snoke, voilà. Il valait le coup. Moi, je trouve qu'il le joue un peu trop comme tous ses autres rôles, donc ça m'embête un petit peu, mais sinon je n'ai pas vu dans grand chose d'autre, donc je ne sais pas. Candomite, c'est encore un autre exemple du féminin inconscient rejeté, parce que il est en train de jouer à la table, sa copine remarque Finn et Rose, mais il décide de pas l'écouter quand elle essaye de lui dire, et s'il l'avait écouté au lieu de la faire taire, tout se serait passé très très très différemment et beaucoup mieux, je pense. Après, je pense pas que ça aurait changé beaucoup de choses. À mon avis, le codebreaker, il est pas du genre à aller vers ses contrats, tu vois. Bah, il aurait pour moi, c'est juste un... De quoi ? Bah, il a fait beaucoup de trucs avec Maz et avec des gens de résistance et tout. Mais si du coup, sa meuf était allée chercher les gens en disant il faut aller voir ces gens-là, et qu'eux, ils étaient venus vers lui, etc., et qu'il les avait accompagnés, au moins, il n'y aurait pas eu la moitié de la... des escape pods détruits parce que lui il aurait pas balancé le truc. Ouais, déjà. Ah, je pense qu'il s'en serait vraiment battu les reins. Je sais pas, il les aurait aidés parce que a priori il a déjà fait plein de trucs comme ça pour Maz, elle lui envoie souvent des gens en mode ouais il va vous aider et il aide. C'est un peu, tu sais, le faux capitaliste, le mec il est infiltré dans le truc et puis mais il profite. Derrière il aide des gens, quoi. Comme Elon Musk. Ouais. Ah, dédicace. Juste désolé, mais juste l'échappatoire des héros sur les dos des Fathers, c'est génial. Oui, c'est trop. La musique est trop bien, vraiment. Ouais, ça, c'est vrai. Et elle me rappelle, je sais pas vous, mais déjà la musique de Rey me rappelait pas mal les tons de Harry Potter. Oui. Mais là, ça me rappelle vraiment l'envol de l'hippogriffe dans Harry Potter 3, en fait. Et ben, nous, on a fait une saga qui est un mélange d'Harry Potter et de C'est fou, ça. Bah, tiens, excellente transition. Mais non, mais en l'occurrence, ouais, j'aime beaucoup cette scène et surtout le fait de voir, comme j'ai dit, deux personnes racisées qui mettent en feu une ville de capitalistes, de bourgeois. Des pauvres en plus, ouais. Ouais, c'est ça, des pauvres, ouais, clairement. Enfin, c'est génial, quoi. C'est trop bien, c'est un gros kiff. Et c'est vraiment ce dont t'avais besoin, Star Wars.